players only. Come on, put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? 24 karat magic in the air. Head to toe, so clear. Look out! Second best for the hustlers. Hustlers. Gangsters. Gangsters. Bad bitches and your ugly ass friends. I cannot preach. Uh-oh. I cannot preach. Uh-oh. I gotta show them how I can't get it in. First, take your sip. Sip. Do your dip. Dip. Spend your money like money ain't shit. Ooh, ooh. We too fresh. Got to blame it on Jesus. Hashtag blessed. They ain't ready for me. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jocking. Keep up. Players only. Come on, put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? What you trying to do? 24 karat magic in the air. Mettre en mode terreur dans cette émission aujourd'hui. Ça ne va pas rigoler, les copains. Ça va dans l'équipe. Fab est là. Ça va. Enfin... Sandro est là aussi. Ça va. Alison est du côté du standard. Salut. Comment on fait pour te joindre? Bah, c'est facile. 02 851 4x0 ou le 3044. J'adore. À chaque fois, je lui pose la même question. Elle me fait la même réponse. Mais c'est facile. Évidemment. Bah, voilà. Si vous voulez venir parler avec nous dans l'émission Faire de la radio avec la Power, vous savez comment ça se passe. Dans c'est un facile. Instant, on va parler de clowns. Terrifiant, les gars. Il y a un truc qui buzz sur les réseaux sociaux. Vous avez peut-être vu, mais il y a des vidéos dans tous les sens. Dans quel film il y a un clown qui tue là? Il y a un... ça. Ça. Mais il tue que des enfants. Eh ben là, là, c'est dans la vraie vie. Oh, et il ne tue pas que des enfants. Il est question d'adultes. Il y a des clowns qui sont en train de terrifier tout le monde en Flandre. Oh, on en parlera dans l'émission dans un instant. On aura du cadeau aussi pour vous avec Soprano Baba. Yes. Soprano qui sera notre invité ce vendredi dans la Power. On va vous donner l'occasion de venir avec nous faire de la radio ce vendredi. Vous allez voir Soprano en vrai, le toucher, lui faire des bisous, avoir des albums dédicacés. Bref, ça va être le pied. Pour ça, c'est sur la page Facebook de l'émission que ça se passe. Allez déjà vous brancher si vous n'avez pas encore liké. Vous tapez Happy Hour avec Audrey sur Facebook et vous serez avec nous ce vendredi. On parle de tout ça juste après les infos. Maintenant sur Fun Radio. Fun Radio. Fun. L'assurance au kilomètre de Corona Direct. Maintenant, 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. Direct. Avant de se faire le son, Dimitri Vegas et Like Mike, et puis Zao avec MHD. Bah, c'est l'heure de s'informer à 17h avec Carlo Morello. Bonjour Carlo. Hello Audrey, salut à tous. C'est cet après-midi qu'on a clôturé enfin le chapitre sur le budget. Un budget qui a représenté un gros casse-tête pour le gouvernement, à tel point qu'il a été mis au point avec un petit peu de retard. Hein. Mais les ministres y sont quand même arrivés. Ce dimanche, Charles Michel a donc pu faire sa déclaration de politique générale à la Chambre. Hier, ont eu lieu les débats, à la Chambre toujours, concernant cette déclaration. Les partis de l'opposition se sont évidemment défoulés, disant tout le mal qu'ils pensaient de ce budget antisocial. Pour résumer en une phrase, les invectives du PS, du CDH ou des colos, c'est dit les petits qu'on spotche, hein, les patrons, eux, s'en sortent une nouvelle fois sans le moindre mal, etc., etc. Mais bon, le problème de l'opposition, c'est qu'elle est minoritaire au Parlement, c'est bien que la confiance au gouvernement a été votée cet après-midi grâce aux voix de la majorité. Il n'y a jamais beaucoup de suspense dans ce genre de situation. Hein. En principe, c'est aujourd'hui que les ministres européens réunis à Luxembourg devaient valider le CETA, c'est-à-dire le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, ne pas confondre avec le TTIP à venir, c'est-à-dire en gros la même chose mais avec les États-Unis. En principe, disais-je, parce que le Parlement wallon a dit non, et le ministre président wallon Paul Magnette a répété qu'il ne voulait pas de ce CETA tel qu'il avait été négocié. Vous imaginez un petit peu, hein, la petite Wallonie à elle toute seule qui empêche la signature d'un traité entre l'Union et le Canada. C'est un côté village Astérix résistant à l'envahisseur romain. Hein. Ce que Paul Magnette a laissé un reproche à ce traité, c'est notamment qu'il donne la possibilité aux Canadiens de protéger leur marché contre des exportations européennes qui les menaceraient, alors que dans l'autre sens, c'est pas prévu. Quoi qu'il en soit, l'Union européenne a donné à la Belgique jusqu'au sommet européen de vendredi pour se prononcer. Le traité, lui, doit être officiellement signé le 27 octobre avec le Canada. À l'étranger, l'ONU a annoncé l'instauration d'un cessez-le-feu renouvelable de 72 heures au Yémen, un pays déchiré par une guerre civile qui oppose le pouvoir, soutenu par l'Arabie Saoudite, aux rebelles chiites, aidés par l'Iran, sans oublier Al-Qaïda et Daesh, hein, qui ont profité du bordel ambiant pour installer leurs pions au Yémen. Bref, une trêve de 3 jours au moins entrera en vigueur ce jeudi, histoire de permettre la livraison de l'aide humanitaire et de permettre aussi à la population de souffler un petit peu avant la reprise des hostilités, hein, parce que les cessez-le-feu ont la plupart du temps la fâcheuse tendance à voler en éclats très vite. Ce ne sont pas les Syriens ou les Ukrainiens, pour ne citer qu'eux, qui me contrediront, j'imagine. Enfin, en football, le club brugeois accueille Porto ce soir dans le cadre de la Champions League. Bruges qui a super mal entamé cette compétition avec 2 lourdes défaites. Difficile de se montrer très optimiste donc pour ce match face aux Portugais, même si ces derniers n'ont pris qu'un point sur 6, eux. Quoi qu'il en soit, le coup d'envoi de la partie, et ben, c'est à 20h45, comme d'hab. Fun Radio. Sortez vos cahiers, dictez. Gagnez de l'énergie verte pour votre école sur luminus.be/concours. Luminus, ensemble, faisons la différence. On passe la soirée ensemble sur Fun Radio avec toute l'équipe de la P.O. L'émission commence dans moins de 5 minutes avec le son de Dimitri Vegas et Like Mike. Pour commencer, on vous cale tout ça juste après la météo, Carlo. Il va faire pourri demain. J'entends pourri que demain je viens pas. C'est vrai. Tu diras au boss que je suis malade. Bah avec plaisir, écoute. Ça sera collectif alors. Ouais, ok, super. Allez, on se retrouve dans une heure. Je vous laisse avec André et le son de Dimitri Vegas et Like Mike. Salut. Fun Radio. Jusqu'au 27 octobre chez Volkswagen, la Polo est à partir de 9 890 €. Prix d'ami. Prime de recyclage conditionnelle de 1 500 € déjà déduite. L'Happy Hour avec Audrey, du lundi au vendredi, 17h-20h sur Fun Radio. When the stars start to fall, will you love me, will you call? I need you close, don't run away. Don't run away. Chasing highs in the midnight sun. We fought for love, we were on the run. Tried my best to give you what you need. So one more chance, please don't leave. Made it way past broken hearts. Won't you stay a while? Stay a while. We are still on the run. Never had enough. Never catching us. This life is all we know. Made it way past broken hearts. Won't you stay a while? Stay a while. We broken hearts. Won't you stay a while? Stay a while. We are still on the run. Never had enough. Never catching us. Made it way past broken hearts. Won't you stay a while? Stay a while. Profitez-en parce que ça sera le seul moment calme dans la prog de Fun Radio, je vous préviens. Alors 1, 2, 3, on se met en mode zénitude ici dans la Piawar. Écoutez-moi ça. On écarte les bras, sauf si vous conduisez. On enlève son t-shirt. Non, arrête, hein, espèce de gros pervers. Lui, il en profite pour avoir des trucs. C'est fou, ça. Allez, hop, le petit moment calme, c'est terminé. On balance le son de Zao. Eh ouais, avec MHD, c'est ce qui arrive côté son dance floor. Il y a aussi Autonose dans un instant. C'est mon nouveau truc préféré, ça. Ouais, dès qu'il y en a un qui casse l'eau, je fais. Ouais, maintenant que je sais le faire, tu vois. Non, il m'a fallu de l'entraînement, hein, vas-y pour voir. Bra bra bra. Ouais, bra. Non, laisse tomber finalement. Bon, juste avant de se faire des infos là, on a parlé des clowns, hein, si vous venez de débarquer sur Fun Radio, les clowns terrifiants. Alors, je sais pas pourquoi, mais à chaque fois, dès qu'on se rapproche un peu d'Halloween, ça y est, les clowns sont sortis. Alors, déjà, je vous ai dit hier si vous étiez avec nous dans l'émission que moi, un clown, déjà même un clown souriant, moi il me fait flipper, hein. Ah bonjour les petits enfants. Ah non, c'est beau. Ça me fait, mais j'ai des frissons rien que d'entendre quand touche tu ma fleur, touche ma fleur. Tant que c'est la fleur, ça va. Non mais blague à part, il y a des clowns terrifiants qui font peur du côté de Anvers. C'est chez nous que ça se passe, les copains. C'est pas drôle, hein, ah vraiment. Ouais, ouais, ils ont fait peur à des gens ce week-end. Ils les ont fait vraiment flipper, grave, avec des ballons. Alors bon, les ballons, mais ça fait pas peur, fais peur normalement. Avec des ballons. Bah je sais pas. Non, mais c'est parce que tu peux avoir des trucs dans le ballon. Tu sais pas, tu vois. Ouh, surprise. Peut-être il y a des trucs. Des trucs cachés. Des araignées, des serpents. Mais laisse tomber. Franchement, imaginez-vous, même vous de l'autre côté de la radio, vous êtes tranquillou là, en train de conduire ou en train de vous promener dans la rue, et là tu vois deux clowns maléfiques. Tu sais les clowns avec le sale sourire derrière, tu vois. Et bah tu vois deux clowns comme ça qui débarquent et qui te font peur. Tu fais quoi? Moi je cours. Bah franchement. Si je suis en voiture, je les écrase. Non, mais ça tu peux pas. C'est peut-être juste une blague, tu peux pas. Moi c'est comme les insectes, je tape d'abord, après je regarde ce que c'est. Bah ouais, c'est ça. Bon, c'est une technique, hein. Toi Sandro, tu serais du genre à flipper ou pas? Mais moi j'aime bien les clowns rigolos au cirque, mais genre clown d'horreur, non. Laisse tomber, hein. Genre avec une tronçonneuse, oh, comme mon ça. Dieu. Aux États-Unis, ils avaient fait des caméras cachées comme ça pour piéger les gens. Mm. En fait, ils arrivaient dans un parking désert et derrière un coin, t'avais deux clowns planqués avec un faux cadavre. Et ils avaient une tronçonneuse et ils faisaient semblant de terminer de le découper, quoi. C'est une vanne. Et puis dès que le mec arrivait, les clowns se retournaient en faisant. Oh non, on a quelqu'un d'autre avec qui jouer. Et ils faisaient ça avec un gros marteau aussi. Tu vois, il y avait une pastèque par terre à la place du mannequin, de la tête du mannequin. Ouais. Et quand le mec arrivait, il s'était prévenu, t'as le clown avec le marteau qui écrasait la pastèque. Donc ça faisait. Et puis il se retournait, il regardait le gars, il prenait son marteau, il courait derrière. C'est quoi? J'ai la bouche ouverte, je suis captivée par les histoires de femmes. Oui, mais ferme-la, il y a des trucs qui vont rentrer dedans. Arrête. Non, mais blague à part, sérieusement, faut qu'ils les arrêtent, quoi. Faut pas déconner s'ils sont du côté de. C'est où? De Genk? Non, Genk, c'est Genk, je me suis trompée, Genk. Genk. Mais donc c'est pas très loin, hein. Genk. C'est pas très loin de chez nous, donc. Avec l'autoroute, je pense. Il faut arrêter les conneries, hein. C'est quoi le truc qui vous fait flipper, mais genre grave? Le truc où vous arrivez même pas à vous contrôler, même vous en tant qu'homme dans l'équipe, à un moment donné, vous avez un petit côté féminin qui ressort quand vous voyez cette chose. Moi, c'est tout ce qui est esprit, tout ce qui est trucs qui bougent, tu vois. Et tu vois souvent des esprits? Non mais qui ouais tous les soirs. Non. T'en as déjà vu ou pas? Pas du tout. Ouais, moi non plus. Mais comment tu peux voir des esprits? Bah je sais pas, hein. Mais il y a des gens qui les voient. Bah ouais. Des fois c'est pas toujours transparent, des fois tu les vois. Toi Fab, le truc qui te fait vraiment peur? À part les araignées, bah je sais pas, faites pas grand chose. Les araignées, ouais. Genre c'est une araignée, tu t'es capable de l'écraser ou t'es du genre à appeler ta maman genre Moi j'appelle ma mère. T'appelles ta mère? J'appelle ouais, ma mère, ça me doute bien. Ouais. Allison du côté du standard, c'est quoi le truc qui te fait peur? J'ai super peur des poupées de porcelaine. Ah oui. Toi tu fais décidément rien comme les autres. Mais si, tu vois leurs yeux avec les poupées de porcelaine. Et t'as l'impression quand tu bouges les yeux. C'est vrai qu'en plus avec tous les films d'horreur. Mais laisse tomber, c'est super flippant, j'ai détesté. Comment ça s'appelle le film d'horreur avec la poupée? Annabelle. Ah mon dieu, c'est horrible. Tu l'as vu? Mais oui je l'ai vu bien sûr. Je veux plus jamais le revoir. En plus tu sais c'est malsain. Ils vendent cette poupée.

Bon après-midi sur Fun Radio, la suite du son Dance Floor, c'est avec The Chainsmokers que ça se passe. Closer, c'est ce que je vous cale. Il y aura aussi le nouveau Showtech, le featuring avec Major Lazer. C'est ce qui arrive dans moins de 10 minutes sur Fun Radio. Et je vois tous vos petits messages qui arrivent au 3044, notamment celui de Noélie qui vient de Wii, qui va venir faire de la radio avec nous. Salut Noélie, ça va? Oui, ça va. Oh, j'ai une petite voix, Noélie, t'as quel âge? 14 ans. Mon, et qu'est-ce que tu fais déjà? Qu'est-ce que tu fous à 17h18? Ah oui, non, on a fini les cours. C'est fini en fait. Non, mais qu'est-ce que tu fais de beau, Noélie? S'il vous plaît. Qu'est-ce que tu fais de beau là? Je suis au téléphone avec vous. Eh ben, c'est pas con comme réponse. Noélie, on parle des phobies parce qu'il y a des méchants clowns, et c'est pas une vanne, hein, c'est une vraie info, des clowns du côté de Ring, de Gand, qui terrorisent les gens. Et alors, les flics sont sur le coup, on sait pas encore si ils sont armés ou non. Donc, bah, sans doute, ouais, les clowns, ils ont des armes. Ouais, ils ont des armes. Des dentiers explosifs, des fleurs à l'acide. Ouais. Tu t'approches et psh, vitriol. Ah, non, mais on rigole, mais il y a plein de gens qui sont flippés en Flandre à cause de ça. Toi, Noélie, c'est quoi le truc vraiment, mais qui te fait super peur? Vraiment, c'est les araignées. Ah, tu m'étonnes. Bienvenue au club. Tu sais quoi, c'est quand, la semaine dernière, je crois, il y avait une araignée, j'avais pas vu, dans le haut de ma fenêtre, au coin, là, tu vois, genre bien cachée. Énorme, ouais. Avec des espèces de petites rayures dessus, là, tu vois, genre, mais grosse. Oh, mais j'ai jamais osé l'écraser. Si hein. T'avais fait le ménage, tu l'aurais vu. Ouais, mais justement, c'est quoi, là, je me suis dit, je fais pas bien mon ménage, justement, je me suis fait la réflexion. Et quoi, Noélie, t'as déjà vu, genre, une énorme araignée, un truc qui t'a fait vraiment peur? Ouais, vraiment, j'étais en vacances et dans ma chambre, bah, j'ai vu une énorme araignée au-dessus de ma tête et j'ai hurlé comme pas possible. Et quoi, tu l'as écrasée, t'as osé ou pas? Non, j'ai pas osé du tout. Et alors, attends. J'ai appelé mes parents. Mais ça, c'est pire, Noélie, parce que quand tu vois l'araignée, ça te fait peur, c'est vrai, mais quand tu la vois plus, là! Là, ça m'est arrivé. Moi, j'étais sorti. Il y en avait une dans ma chambre. J'étais sorti pour appeler ma mère. Et le temps que je revienne, elle était plus là. Et c'est à ce moment-là où tu hésites de dormir ou pas. Parce mais que si m'étonnes. Tu dors. Après, t'imagines qu'elle va venir se venger, tu vois. Surtout quand t'essayes. Non, le pire, c'est quand t'essayes de l'écraser, mais tu la rates. Et qu'elle part. Et là, tu te dis, elle va revenir avec toutes ses copines. Elle part en te faisant un gros fuck. Attends, ouais, bouge pas, je reviens. Je reviens. Tu vas voir ce que tu vas apprendre. Tu vas ramasser ta race. Noélie, merci beaucoup d'être passée à l'antenne. Pas de soucis, Maxa. Je te fais des gros bisous. C'est vrai que le coup des araignées, je crois, tout le monde a peur. J'ai jamais vu quelqu'un qui fait t'inquiète, si, je m'en occupe. Ma mère, elle les prend avec ses mains. Hein? Elle les prend avec ses mains, ou alors elle les écrase à main nue, ou alors elle les prend et elle les sort. Mais pourquoi? C'est pas possible. Elle a pas peur, quoi. Ma mère. Ah bah, va faire Koh-Lanta, ta mère. Sérieusement, c'est quoi le truc qui vous fait très très peur de l'autre côté de la radio? Dites-moi tout, là. 3044 pour vos messages. On va les lire après le son de Chainsmokers en fin de radio. Il y aura aussi Showtech et Major Lazer. Et restez bien là si vous êtes fan de Soprano. On a une surprise rien que pour vous. Et ouais, vous allez pouvoir le voir en vrai ce vendredi dans la POA. Restez bien là. Dans la radio. Ce matin, c'était ça. Il y a cette chanteuse américaine qui vient de devenir la première à passer les 100 millions d'abonnés sur Instagram, et je te passe en plus un extrait de la chanteuse. Whitney Spritz. Whitney Spritz. Whitney Spritz. Vous connaissez les Spritz, les cocktails, ouais, italiens? Bien sûr. Mais c'est Whitney Spritz, un peu bourré, mais super sympa. C'était Selena Gomez. Bruno dans la radio. Reviens demain sur Fun Radio. Buongiorno, trafiquer le compteur kilométrique. Avec le carpass, est finita la comédia. Au garage, au centre des pneus, au contrôle technique, tout le monde le sait. Le kilométrage est encodé à chaque passage dans une grande base de données. Et quand vous voulez revendre votre voiture, il se retrouve sur le carpass. Et ça doit correspondre avec votre compteur. Capiche. Carpass, depuis 10 ans, la garantie officielle du kilométrage réel. Échappez au Frima de l'automne avec Ryanair et évadez-vous à partir de 19,99€ seulement. Enregistrez-vous sur MyRyanair dès aujourd'hui pour davantage d'offres, une réservation et un check-in rapide. Réservez votre prochaine escapade en ligne ou sur l'appli à partir de 19,99€ l'aller simple. Ryanair, low fares made simple. Disponibilité limitée, consultez Ryanair.com. Hello, c'est Hip. Il y a encore des offres de génie incroyables dans tous les rayons de votre hypermarché Carrefour, comme la PlayStation 4 1 Tera avec le tout nouveau jeu Call of Duty Infinite Warfare pour seulement bam, 365€. Et cette offre se termine déjà aujourd'hui. Dépêchez-vous. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. L'avenir vous ouvre les portes de la gastronomie au travers de son supplément Table d'automne. Dégustez son menu de saison au prix exceptionnel de 39€ par personne, vin compris, dans les 20 restaurants gastronomiques sélectionnés pour vous par le guide Delta. À découvrir dans l'avenir, ce mercredi 19 octobre.

the corner of the mattress that you stole from your roommate, like in bold, that we ain't ever getting older. Tech. Yo, this is Major Lazer. Nouveau tube Fun Radio. Beaver. Tous vos tubes préférés commencent sur Fun Radio. Le son dance floor. Il est bon le nouveau show. Showtech avec Major Lazer. La suite, c'est avec le son de The Weeknd que ça se passe avec les Daft Punk. Il y a aussi Armand Van Helden dans un instant. Tout ça, c'est ce qui arrive côté son Dancefloor après l'infotrafic. L'infotrafic dans l'Happy Hour. Ce sont de vraies infos, mais c'est pas un vrai commandant. Et tu sais quoi, en écoutant le son de Showtech là, avec Major Lazer avant, je kiffe tellement, je l'ai mis à fond dans le casque, tu vois. Mais j'entends plus rien. Mais je te jure, j'entends plus rien tellement je l'ai mis à fond. J'avais l'impression d'être en boîte. Mais je suis sûre que vous aussi de l'autre côté de la radio. On va commencer à prendre pour parler avec Audrey maintenant. Je te jure, j'entends plus rien. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'après je vais lire vos petits messages. Mais avant ça, on file du côté des routes avec Mister Jacobus pour voir comment ça se passe. Oui, allô Audrey, bonjour. Et j'attends quand même. Je vais faire mon infotrafic. Reste concentré ou lis sur mes lèvres. D'accord, ok. Alors, je suis la N6 à Sint-Pietersleu. Ouais. C'est ici tout près, derrière là-bas. Il y a eu un accident. Oui, oui, ça c'est pas bien. Déjà, tu roules pas sur la chaussée, mais alors là, s'il y a un accident, ah oui, ils disent le carrefour Pétrus est complètement bouché. Pétrus ? Et, oui, Pétrus. Ils demandent aux gens de plus passer par là. Ouais. C'est près de chez Ikea. Pour d'accord. Ceux qui sachent. Qui sachent pas. Tournez Bruxelles et. Arrêtez de rire. D'accord, pardon. Bruxelles à Froyen. Tournée, Bruxelles, il fait pas très chaud là-bas. Enfin, oui, t'as tourné, tu vas aller à Bruxelles. Il y a un accident aussi. Oui, mais tout le monde fait des accidents. Bande de gauche complètement obstruée. Je vois ici, tu te demandes toujours pourquoi la E411, ça ne roule jamais. Ouais. Eh ben, c'est parce que de nouveau, il y a un accident. La circulation est fortement ralentie. Super. Oui. Et ils sont gentils, les collègues. Tout le monde est à l'arrêt, oui. C'est ça. Et alors, je vais quand même dire aux auditeurs, si tu es prêt de Sinclair, suis le Brook, le carré. Tu vas danser comme ça, oui, pète et tout. Oh, bonne musique. Eh ben, quoi ? Il y a Flash, collègues, ils sont là, ils prennent des photos. Oh, ah, bien des pieds, hein. Et samedi et dimanche, on fait souffler. Hein. C'est vrai ? Oui. Ah bah, super. Tu veux faire la fête ? Bah, vous voilà prévenus, les copains. Faites gaffe sur la route, en tout cas, si vous voyez quelque chose d'anormal, c'est-à-dire un flic. Vous nous prévenez, 30-44, et puis comme ça, nous, à l'inverse, bon, on prévient tout le monde. Hein. On a reçu des petits messages aussi parce qu'on parlait des phobies. Bah oui, avec les clowns. Les clowns maléfiques du côté de Genk. Et alors, j'adore parce que. C'est pour preuve que vraiment, on est vraiment nul en termes de langue. Parce que t'as quand même un auditeur qui nous envoyait. Dites les gars, Genk, c'est pas Gant en français. Hein. En français, ça reste Genk. Non, ah c'est ouais. Quoi Gant? Oh, mais quelle bande de clutes, quoi. Ah, c'est Gent. Bah ouais, on est vraiment nul. Attends, oh là là, mais laissez tomber, quoi. On me dit, moi, le truc qui me fait vraiment très très peur, ce sont les araignées, les clowns aussi, dès que j'en vois un. Moi, je me casse et je cours. J'ai vraiment trop trop peur. Il y a Stéphanie qui me dit, moi, j'ai super peur de l'avion. Ah ouais, ça aussi, dans un autre genre, ça fait flipper. Hein. Moi, j'ai trop peur aussi. Oui, mais bon, enfin, t'as pas des avions dans la rue qui viennent avec des ballons. Hein. C'est vrai que si tu dois choisir entre l'avion et le clown, je choisis quand même l'avion. Il y a un clown, il est hyper connu et il a fait plus de victimes que n'importe qui. Un vrai et, ah ouais, ouais, ah ouais, ouais. Et le on le laisse dehors en liberté, on l'a toujours pas attrapé. Fait. C'est une vanne. Je crois qu'il a tué au moins plus de 1000 personnes. Oh, mais c'est vrai ça? Oui, Ronald McDonald. Quel obésité, pays? Cholestérol et diabète. Ah, mais il est con, moi je croyais que c'était un vrai mec et tout. Bah, c'est un vrai mec. Ouais, mais non, tu m'as fait peur pour rien. Je me suis dit, ça se trouve, c'est lui qui est de retour à Genk et qui va tous nous buter. Ah, mais faut t'emmener au McDo, toi? Non. Faire des photos sur les genoux de Ronald. En fait, je te jure, j'ai trop peur un jour qu'un clown vienne comme ça et qu'il fasse trop peur. Faut pas quoi, faut pas. Très con, ok. Genre une vingtaine de clowns qui débarquent un jour à la radio de non, manière improbable. Ça serait tellement pas drôle. Genre avec des t-shirts avec la photo d'Audrey dessus. Tu sais que si vous voulez vous débarrasser de moi, sincèrement, oui. Eh ben c'est facile, tu fais venir des clowns. Franchement, je meurs sur place, direct. Il y a des auditeurs qui disent, arrêtez, moi je pars en Flandre là. Peut-être que tu vas le voir, le sale clown. Il y a un autre qui me dit, vous me faites flipper. Eh ben ouais. Le pire, c'est quand t'es tout seul le soir dans ta voiture et tu dois t'arrêter pour faire pipi. Imagine, t'es dans ton lit avec vue sur la fenêtre, quoi, tu vois. Et tu vois juste une tête de clown qui passe d'un côté comme ça. Et qui reste devant ouais. Et qui te regarde. Coucou. Ça ferait vraiment flipper grave, sérieux. C'est quoi le truc qui vous fait peur, vous, de l'autre côté de la radio? Comme ça, on connaît toutes les phobies de tout le monde. Hein. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que nous qui balancions. 30-44 pour vos messages. En basant le son de The Weeknd et des Daft Punk. C'est bon, ça. Il y aura aussi Armand Van Helden. Et juste après, on prend quelqu'un à l'antenne là, qui va venir faire de la radio avec nous dans la P.O.R. 30-44 pour vos messages. 50 centimes l'envoi. Venez découvrir le tout nouveau SUV Peugeot 3008 et son combiné tête haute avec dalle numérique et tester son nouveau Peugeot iCockpit pour ne faire qu'un avec votre voiture. Nouveau SUV Peugeot 3008. Jamais un SUV n'est allé aussi loin. Venez le découvrir lors du week-end de lancement les 22 et 23 octobre. Cette semaine chez Domino's Pizza, semaine de folie. Toutes les pizzas régulières à emporter sont à 4 euros. Et avant 16h, elles sont même à 3 euros à emporter.

Merci de passer l'après-midi avec nous là sur Fun Radio. La suite du Sundance Floor, c'est avec Armand Van Elden que ça se passe. Il y aura aussi du Pitbull avec Florida. Et puis du Belge aussi, Lost Frequency, c'est ce qui arrive côté Sundance Floor. Avant ça, on a Isa de Framery qui est avec nous. Bonjour Isa. Bonjour, comment ça va? Ah bah super. Bonjour Isa. Et toi Isa? Oui. Qu'est-ce que tu fais? Ben, comme d'habitude, c'est l'heure de notre souper chez nous, hein, mais bon, ça c'est pas grave. Déjà, merci. Et tu soupes tôt, 17h43? Ouais, mais on est un petit peu obligé, hein. On se lève très tôt, donc forcément, on peut pas digérer. Et en plus, vous mangez en écoutant la POA. Ben, bah, ça, dis donc. Bien. Ah, bah, tu vois, on digère bien chez nous. Hein. Ah, bah, tiens, ça m'étonne pas. Bon, alors, mon Isa, on parle des trucs qui nous font un petit peu peur parce que pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre et qui n'ont pas entendu parler de ça, je voudrais pas que vous loupiez ça quand même, ça serait dommage. Il y a des clowns terrifiants du côté de Genk qui font peur aux flamands. Pauvre petit flamand. Les flamands ont envie de peur. Hein. Mais tant que c'est chez les flamands, j'ai envie de dire, tant mieux. Tu vois, j'ai pas très envie qu'ils viennent par ici. Vous allez faire les malins à Charleroi, tiens. On va les arrêter, les c'est clowns. Ça, quoi. Venez un peu à Charlouze ici, les gars. On va voir si vous allez faire les malins comme là-bas. Non, bah, du coup, on parle des trucs qui nous font un petit peu flipper. Toi, Isa, quel est le truc qui te fait vraiment peur? Les animaux empaillés. Ah bah oui. Les animaux empaillés. Ah bah oui, c'est quelle horreur. Genre un lapin. Bah genre n'importe quel animal. Ouais, les renards, tu vois les gars qui ont été à la chasse là qui prennent leur profil. Ah j'en ai trois chez moi. Bazar, ah t'as, ouais. T'as des oui, alors, j'ai un ours en taille réelle. Mais non, je déconne. Ah, okay. Moi le truc que je trouve c'est bois et ça pue et c'est moche en plus, mais le truc qui me fait flipper moi c'est les cerfs là, tu sais les grosses têtes de cerfs empaillées. T'as toujours ça dans les maisons en pleine campagne, tu vois, genre dans les Ardennes par exemple. Et t'as peur de regarder trop près, puis ça te tombe dedans, tu vois. Voilà. Non, c'est pas tant ça, c'est que tu regardes les yeux et je sais pas pourquoi t'as l'impression qu'ils te suivent. Regarde et qui te fait sentir coupable, t'as vu? Ça fait peur. T'as vu, j'ai terminé sur un mur à cause de toi. Pourquoi tes humains ils m'ont tué? Et t'as l'impression qu'il va venir se venger la nuit, tu vois. Toi, Isa, le pire animal empaillé. C'est vraiment celui où ça, c'est pas possible, quoi. Faut pas déconner. C'est horrible, hein. C'est quel animal? Quel animal te fait vraiment très très peur? Oh, j'ai envie de te dire plutôt la formule la belette. La belette. Oui, je m'attendais pas à cette réponse, mais pourquoi pas. Mais enfin, Isa, c'est mignon une petite belette. Non, j'aime pas, c'est. Non. Et ça va, elle pas la peine de m'engueuler. Hein. Et Isa, qui s'énerve ici? Bah, dis. C'est vrai que la belette, elle fait un peu flipper en même temps. Isa, merci beaucoup d'être venue faire de la radio avec nous. Tordue, en plus, tu peux la mettre dans des poses, vas-y, quoi. Oh, tu sais, il y a d'autres trucs tordus qui sont sympas. Hein. Ouais, mais oui, c'est fait d'avoir ton copain à côté de toi. Sur cette belle parole bien glamour, Isa, on te fait des gros bisous. Merci beaucoup d'être venu faire de la radio avec nous dans la POA. On a reçu d'autres messages aussi, hein. J'essaye de les lire un maximum. Il y a quelqu'un d'autre qui me dit le cerf, l'éthique aussi. Mélissa, elle a peur de ça. Et puis il y a Pierre qui me dit moi, je déteste par-dessus tout les souris. Merci pour vos petits messages, les copains. Restez bien branchés dans la POA. Il y aura plein de surprises pour la suite. Et la voici Armand Van Elden sur Fun.

C'est, et déjà, vous êtes gouverné par des clowns. Vous faites des clowns aussi. Qu'est-ce que c'est ça? Des gens déguisés en clowns dans la rue. Qu'est-ce que vous en savez? Moi, je n'en sais rien, moi. Mais et demandez à vos collègues. Monsieur, le seul collègue que j'ai ici à côté de moi, cher monsieur, c'est un collègue qui fait l'après-midi comme moi. Ah oui, ça c'est mal. Il n'y a personne qui travaille dans ce commissariat. Le matin, tout le monde est parti ici. Hein. Chez nous, rien que c'est pas comme ça. Hein. C'est 8h, 18h, tout le monde. Hein. Oui, oui. Et tu peux poser une question à n'importe qui, il sait te répondre. Hein. C'est magnifique. Et prenez-en de la graine. Hein. Je vous envoie des cracheurs de feu et des jongleurs. Alors, vous avez déjà les clowns. On fait un cirque chez vous, alors. Bouglion. Donnez-moi vos papiers, s'il te plaît. Voilà, donnez-moi votre numéro de téléphone. Je vous recontacte. 02. Oui. 851. Oui. 4 fois 0. Commissaire Jacobus. Oui, ça, j'ai bien retenu ça. Avec un ya devant. Oui, un ya, ok. Donc, pas de solution. Les clowns étaient là ce matin et personne ne sait où ils sont partis. Moi, je vais revoter pour Bad de Wever. Il a raison, il faut faire une séparation avec vous. Hein. Bande crue, des incapables. Je suis verdomme. C'est pas grave, j'ai fait une équipe et on vient de Genk. Calmez-vous, cher monsieur, vous allez avoir un infarctus. Oui. Je viens avec les collègues, on va faire nous-mêmes travail ici. Pas de souci, ok, entendu, pas de problème, cher. Oui. Vous me reconfirmez votre numéro de téléphone, s'il vous plaît. 02-851-4x0. Le temps qu'on arrive, ça va être l'heure de l'apéro. Vous avez un bouteille au frais? Oui, vous dites entre nous, il y a un chiffre de trop là dans votre numéro de téléphone. Je sais comment. 85 10 et 3 0, c'est un peu difficile pour moi de faire ça. 851 4 x 0. Oui, il y a un chiffre de trop. 0, 0. Mais et comment tu fais ton calcul, toi? Non, il n'y a pas de chiffre de trop. Allez, cher monsieur, je vous recontacte. Si j'arrive toutefois à vous contacter. Oui, oui. Au revoir, commissaire. À tout à l'heure. Mais c'est un truc de fou. C'est qu'en plus, c'est le bon numéro de Fun Radio. Il a rien compris, le gars. Mais non, mais tu sais, ça ferait délirer qu'ils appellent. Ouais, franchement, 02-851 4x0, vous pouvez tester le numéro hein, de l'autre côté de la radio, vous allez voir, c'est le vrai numéro qu'on a filé. Hein. Franchement, on va prendre des nouvelles du commissariat de Martinelle. On leur fait un gros big up. On vous embrasse. Et testez le numéro, vous allez voir, ça fonctionne. Bah, pour l'heure, 18h, bon, on va s'informer, c'est parti. Fun Radio. Fun. L'assurance au kilomètre de Corona Direct. Maintenant, 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. Direct. Il y aura du son d'Ensflore dans un instant avec Mike Perry. Il y a le téléphone qui sonne. Décroche Ali, on va le faire passer à l'antenne, l'auditeur. On se fera ça juste après l'actu maintenant avec Carlo Morello. Bonsoir Carlo. Hello Audrey, salut à tous. Pas toujours évident d'être policier Martinelle ou indépendant en Belgique. Ils sont 1 sur 6 à vivre sous le seuil de pauvreté, ce qui est d'autant plus dur que ces gens ont généralement tendance à beaucoup trimer. Et dans le même ordre d'idées, on apprend aujourd'hui que 20% des indépendants se voient refuser un prêt hypothécaire, même si leurs affaires marchent bien. C'est surtout vrai pour ceux qui se sont lancés il y a moins de 3 ans. Et si leur business concerne l'horeca ou le commerce de détail, ben alors là, c'est même pas la peine de perdre son temps à contacter une banque hein, ou alors en revoyant ses rêves à la baisse. Comprenez, en optant pour une habitation moins chère. Il y a aussi la possibilité de s'adresser à une plus petite banque, mais qui bosse à des taux nettement plus élevés que ceux de la moyenne du marché. Bref, aujourd'hui, il n'y a plus seulement les jeunes et les isolés qui ont du mal à obtenir ces prêts hypothécaires. Je parlais hier de l'offensive lancée par l'armée irakienne pour reprendre la ville de Mossoul dans le nord du pays, deuxième ville d'Irak et dernier bastion de Daesh en Irak. Une bataille qui s'annonce longue, difficile et pénible pour le 1,5 million d'habitants que compte Mossoul. Il ne va pas être évident d'éviter un désastre humanitaire. Et puis un autre problème qui risque de se poser à terme et qui cette fois nous concerne nous en Europe, c'est que si ça se passe mal pour les djihadistes, ils risquent de se barrer d'Irak pour rentrer dans leur pays d'origine et notamment donc en Belgique. Ils vont sans doute pas tous se faire tuer non plus dans les combats à venir. Bref, le commissaire européen pour la sécurité a mis en garde contre un prochain afflux de combattants de Daesh. Il estimait qu'il fallait se préparer en augmentant, a-t-il dit, notre capacité de résistance face à la menace terroriste. Fin de citation. Vous le savez peut-être, Twitter est à vendre, même que si ça vous dit, vous pouvez le racheter, hein, vu que toutes les entreprises intéressées a priori par le célèbre outil de micro-blogage, oui, c'est comme ça qu'on doit dire, les boîtes intéressées a priori donc ne le sont plus trop a posteriori, même qu'elles ont toutes laissé tomber, à savoir Disney, Microsoft et Google entre autres. Le gros problème de Twitter, même si c'est une marque assez forte, hein, tout le monde connaît évidemment, c'est qu'il a tendance à stagner. Ça fait des mois que le nombre d'utilisateurs ne progresse plus, on est arrivé à saturation visiblement. En bourse, le titre ne progresse pas non plus. Bref, Twitter ne semble pas très attrayant, mais ne baisse pas les bras pour autant. Une offre finale aurait été demandée à toutes les entreprises intéressées pour le 27 octobre. On suppose que certains feront une offre tout de même, mais avec un chèque moins élevé. Enfin, football, je vous parlais tout à l'heure du match Bruges-Porto de ce soir en Ligue des Champions. Pour le reste, on ne peut pas parler de grosses affiches en programme de ce mardi. Pointons tout de même Lyon, Juventus et Leverkusen, Tottenham. Sortez vos cahiers, dictez. Gagnez de l'énergie verte pour votre école sur luminus.be/concours. Luminus, ensemble, faisons la différence. On fait des coucous à Maxime là qui vient de tester le standard 02 851 4x0. Eh, vous avez vu, c'est le bon numéro de Fun Radio. D'ailleurs, si vous voulez venir parler avec nous dans l'émission, c'est par là que ça se passe, ou par SMS 3044 pour vos petits messages. Avant de se faire le son de Mike Perry et de vous expliquer comment faire pour rencontrer Soprano, on file du côté de la météo. Carlo, c'est bof bof demain. Ouais, bah alors demain on va pas tirer le bon numéro hein, si on sur la météo avec des températures qui vont chuter entre 10 et 11 degrés, pas plus. Quand même. Des averses, de la pluie quasiment toute la journée. Ce sera tout. Du vent, du vent jusqu'à 60 km/h la rafale. Tu peux partir, Carlo, c'est bon. On va écouter Mike Perry, c'est bon ainsi. On a assez entendu. Non, c'est bon. Fun. Fun Radio. Jusqu'au 27 octobre chez Volkswagen, la Polo est à partir de 9 890 euros. Prix d'ami. Prime de recyclage conditionnelle de 1500 euros déjà déduite. L'Happy Hour sur Fun Radio. Du lundi au vendredi, 17h-20h. La seule émission qui te donne envie de rire, même s'il ne te reste qu'une seule dent en bouche. You can be my guiding light. Keep me company in the night. That's all I need, all I want. Is for you to stay a little longer now. With arms around me like a à la fin. Mike Perry sur Fun Radio. La suite, c'est avec Felix Jane. Bonfire. Oh, c'est bon ça. Jennifer Lopez aussi qui arrive avant. Avec Jenny from the Block. Vous vous souvenez de ça? À fond. Les avant, Ganaman, Danaman, Jenny from the Block. Eh, c'est bon, on va pouvoir faire des chorégraphies et tout. Ouais, c'est cool. Préparez-vous, les gars, de l'autre côté de la radio. Ça va chauffer patate ici. Bon. Ah, ben voilà. I'm Jenny from the Block. Elle fait toujours, elle s'énerve à la fin. T'as pas dit un mot de juste, hein. Non, c'est pas grave. D'accord. Quand je chante en anglais, moi globalement, je fais les fins de phrase. Ah, c'est pas mal. Come on. Ah, c'est un Jenny from the Block, tu vois. D'accord. Et ça passe, hein, nickel. Les gens, ils pensent que tu parles et tout. Okay. Ça fait. Je suis sûr que vous le faites aussi de l'autre côté de la radio. Hein. C'est pas la peine de m'afficher, hein. Ça va. Bon, sinon, on a du cadeau pour vous, si vous êtes fan de lui là. Comment tu chantes ça? Je suis en feu. Je suis en feu. Soprano, évidemment. Soprano, il sera avec nous dans l'émission ce vendredi. Bim! Je suis excitée comme une puce, ça va être génial. Non, bah tu m'étonnes, Soprano, je le kiffe. T'as c'est vu une légende, hein. Mais t'as vu le nombre de tubes qu'il a, le mec? À fond. Et toutes ses chansons, le restent en tête, moi. Non, ouais, c'est ça. À chaque fois qu'il en sort un, bim, c'est top. Genre, jamais il y a un truc qui déconne un peu. Non, non, il se fait plein de thunes. Le gars, il est connu de partout. Il chante comme un dieu et il sera avec nous dans l'émission. Il va faire un live. Il va filer des albums dédicacés. Bref, il y aura plein de surprises pour vous ce vendredi. Et on s'est dit que ce serait cool que vous puissiez venir avec nous. Genre, enfin, nous, on sera déjà là, mais vous venez. Vous venez dans le studio de Fun Radio, 33 avenue Télémac à Forêt, c'est l'adresse. C'est ça. D'accord. Et puis vous venez participer à l'émission, vous voyez Soprano, vous le rencontrez, vous faites des photos, des bisous, tout ce que vous voulez. Voilà, exactement. C'est votre moment privilégié avec Soprano. Alors, il y a un truc sur Facebook hein, pour essayer de remporter le machin, mais on s'est dit aussi ça serait cool de récompenser tous les auditeurs qui sont à l'écoute là maintenant. Maintenant. Et là, pas après. Maintenant. Pas avant, pas après, maintenant. Genre là, 18h11, le mardi 18 octobre 2016. Je vais vous dire comment faire maintenant pour repartir avec vos places, pour venir nous voir ce vendredi avec Soprano, tout ça. C'est simple. Préparez votre téléphone, prenez-le en main. Je laisse le temps de le prendre. Jetez-le très fort contre le mur. Mais non. Et le premier qui l'éclate a gagné. Prenez votre téléphone. Le premier qui appelle au standard repart avec ses places pour Soprano. 02 851 4 x 0, c'est le numéro. Bonne chance tout le monde. Ce soir je suis en feu. 02 851 4x0, c'est ce qu'il faut envoyer. Tirage au sort juste après le son de Jennifer Lopez sur Fun. Children growing, women producing, men go working, some do stealing. Everyone's got to make a living. LOX, yeah. J-Lo, yeah. We off the block this year. Went from a low to a lot this year. Everybody mad at the rocks that I wear. I know where I'm going and I know where I'm from. You hear locks in the air. Yeah, we at the airport out. D-block from the block where everybody air forced out. With a new white tee, you fresh. Nothing phony with us. Make the money, get the mansion, bring the homies with us. All the rocks that I got. I'm still Jenny from the block. J-Lo to this headline clips. I stay grounded as the amounts roll in. I'm real, I thought I told ya. I'm real even on no bruh. That's just me. Nothing phony, don't hate on me. What you get is what you see. Don't be fooled by the rocks that I got. I'm still Jenny from the block. What you put out, even if you take the good route, can't count the hood out. After a while, you'll know who to blend with. Just keep it real with the ones you came in with. Best thing to do is stay low. Locks and J-Lo, they act like they don't, but they know. Yeah. I'm still Jenny from the block. Used to have a little, now I have a lot. No matter where I go, I know where I came from. By the rocks that I got, I'm still Jenny from the block. I have a little, now I have a lot. This is Fun Radio. Fun Radio, le son dance floor. Dance floor. Dance floor. I can hear the whispers about me. About me. Hurt. It hurts if I let all the poison in. If I let them win. When you're close my eyes and I just breathe. I just breathe. Hurts. But shit that doesn't kill you makes you strong. So bring it up when you're mad. Bitches, lifting drinks, yeah, that's my fitness. Fuel to the fire, fuel to the fire. Run your mouth, you can run your mouth. Think you're rain from a fire out. Spin your hair, you feel better now. Fuel to the fire, fuel to the fire. La suite du son des Flores, c'est avec Soprano que ça se passe sur Fun Radio. En feu, Soprano qui sera avec nous ce vendredi. Eh, hey, ça diminue, hein, les gars. Bim. Wouh. En deux jours, plus que deux fois dormi. Il sera là en direct dans la Happy Hour. Il va faire un live. Il va filer plein de cadeaux pour vous. Et vous serez des nôtres, puisqu'on vous donne la possibilité de venir nous rejoindre dans l'émission et de voir Soprano en vrai, les gars. Ça le fait, non? Ah, ça c'est faire des photos, des bisous. Oh là là, Soprano. Il paraît qu'il est super, super, super sympa. Ah, je croyais qu'il allait dire il est super beau, tu vois. Il se fait un kiff sur Soprano. Non, mais aussi, eh ben, franchement, il est vachement mignon, ouais, quand même. Soprano, j'ai déjà vu quelques fois grâce à Fun, hein, parce que bon, voilà. Et eh ben, il est très simple en tout cas. Il est cool et tout, il se la pète pas, tu vois, parce qu'il pourrait, hein, parce qu'il a fait. Mais une fois sur scène. Ouais. Et ce mec est adorable. Il vient faire des photos avec les gens. Chose rare quand même, il chante juste. Parce que, non, mais sérieusement, c'est vrai, des fois en concert. Tu vas et puis tu fais ok, ça va, finalement sur l'album c'est mieux. Et bah non, là Soprano il chante juste. Vous voulez mettre l'album pendant un rappeur qui chante juste, tiens, c'est nouveau ça. Et bah voilà, et bah, Soprano, vous allez voir comment il cartonne, il sera avec nous ce vendredi. Je vous ai dit comment faire, hein, pour essayer de repartir avec vos places. C'est par le numéro du standard que ça se passe aujourd'hui. 02 851 4x0, c'est le numéro qu'il fallait appeler. Et alors on a sélectionné le premier qui a téléphoné, celui qui a été le prums sur le coup, c'est Fadoua. C'est ça, qui vient de Bruxelles. Bonjour Fadoua. Bonjour Fan. Ça va Fadoua? Bah oui. Super, super. Je suis trop contente, c'est la première fois que je vois un truc et je gagne. Ah bah tu vois. Attends, déjà, oui, t'es à l'antenne, ça. Commence pas à t'emballer Fadoua. C'est ça, tu t'emballes. Bon. Fadoua, t'es la quatrième. Première bonne nouvelle, c'est que tu repars avec une place pour venir vendredi. Bravo. Je suis en comme je suis heureuse. Oh si si, on imagine. J'adore. Fadois. Attention. Fadois. Fadois. On est content, mais on se concentre 2 minutes. Attention. D'accord. Tu repars de toute façon avec ta place pour venir vendredi dans l'émission. Maintenant, tu as la possibilité de faire quelque chose. De rejouer, de retenter ta chance pour cette fois-ci venir avec une personne. Venir accompagner et jouer à l'Happy Game. Est-ce que tu te contentes de ta place ou alors est-ce que tu essayes de choper une deuxième? J'essaye de choper une deuxième pour ma fille. Eh bah allez, c'est parti, c'est l'Happy Game. L'Happy Game, c'est un jeu où tu peux gagner ou perdre, comme dans la vie. C'est l'Happy Game, c'est la vie. Bon, Fadois, tu vas devoir choisir quelqu'un dans l'équipe, t'as le choix. Il y a Fab, il y a Sandro, il y a Alison au standard. Tu veux jouer avec qui? Alison. Ou un battle de femmes, ça va chauffer Fab ça. Ça va être drôle ça. Alors dans les filles, vous allez vous affronter au jeu des couleurs. Je vais donner une couleur, à vous de me donner chacune à votre tour quelque chose qui est de cette couleur là, d'accord? Attends, j'ai pas entendu, excuse-moi. Ouais, et ça va, hein, commence pas à tricher. Hein. Fadois, je donne une couleur. Le gars s'appelle... Oh, il a un phare. Je donne une couleur, d'accord? Par exemple, là, je vais dire c'est le rouge. Voilà, ça sera le rouge. Et chacune à votre tour, vous allez me donner quelque chose qui est rouge. Un objet, n'importe quoi, d'accord? On va voir si t'as compris, Fadois, c'est toi qui commence. Quelque chose qui est rouge. Un tampax. Un rouge à lèvres. Un rouge à lèvres, yes. Ça fait un point pour Fadois. Alison. Une pomme. Une pomme, oui, il y en a des rouges. Ouais, c'est bon, tu sens que je mange jamais de pommes, moi. Ouais, hein, Fadois, à toi. Oui. Encore rouge? Jusqu'au moment où il y en a une des deux qui lâche, hein, donc vas-y. Vernis à ongles. Yes, ça fonctionne. 2 points. Ali. Une fraise. Une fraise, oui. Fadois, à toi. Cerise. Une cerise, oui. Alison. Ils vont faire tous les fruits. une Ferrari. Une Ferrari. On voit que madame a des goûts de luxe. Hein. 3 points. Égalité. Les diables rouges. Les diables rouges, yes. Alison. Fais-moi la maline. Hein. Ouais, ça sort Ferrari, mais non, ça n'a plus d'idée. Oui, c'est ça. Alors, attention, je donne des secondes. 3. Je sais pas, attends, 2. je réfléchis. Allez, allez, allez, allez. Fadois, c'est gagné. Bravo. Fadois, ça te fait plaisir. Du coup, tu vas venir avec qui? Avec ta fille, c'est ça? Ouais, avec ma fille. Trop cool. Et vous serez toutes les deux ce vendredi chez Fun Radio, avenue Télémac à Forêt, et vous serez avec Soprano en vrai. Ça te fait plaisir? Oh non, vous pouvez pas vous imaginer. Merci beaucoup. Rien, Fadois. Vraiment, merci. Tu viens avec des chocolats, hein, ça va? La gratteuse. On se voit vendredi. Fadois, gros bisous super, à toi. Super, à vendredi. Félicitations. Merci. Si vous aussi vous voulez repartir avec vos places pour venir ce vendredi chez Fun, c'est possible. Allez voir sur la page Facebook Happy Hour avec Audrey. Une petite surprise. Je dis ça, je dis rien. La suite du son Dancefloor, c'est avec Soprano justement, Soprano Baba, que ça se passe sur Fun. Tous les soirs dès 20h, branchez-vous sur Fun Radio. C'est Fun Radio Connected. Passez vos messages, vos coups de gueule, ou venez délirer. Fun Radio Connected, 20h-22h avec Dylan, c'est par SMS, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat ou au 02 851 4x0, prix d'un appel local. Fun Radio Connected, tous les soirs dès 20h, c'est sur Fun Radio, le son Dance Floor. Oui, c'est génial ici, et les gens sont super sympas, c'est clair, je reste. Envie d'un job qui ressemble à des vacances? Complétez vite votre profil sur asap.be. Asap, enjoy your job. Ultraspot.be. Ah, la publicité radio, c'est formidable. Dans la publicité radio, le Père Noël existe. Et les plus grands hommes sont toujours vivants. Je vous ai compris, grâce à mon nouvel appareil auditif. Même plus vivant que les vivants. I have a dream, sur mon nouveau matelas. Et plus éloquent que les comédiens. Ich bin ein Hamburger. Bref, la publicité radio, c'est formidable. Alors surfez sur ultraspot.be, votez pour votre spot favori et gagnez de super cadeaux. Ultraspot.be. Votre classement du meilleur de la pub radio. Avec des tarifs à partir de 19,99€ chez Ryanair et un choix de plus de 200 destinations européennes, n'est-il pas temps de réserver un city break? De plus, nos destinations de l'été 2017 sont déjà en vente. Réservez aujourd'hui en ligne ou sur l'appli à partir de 19,99€ l'aller simple. Ryanair. Low fares made simple. Disponibilité limitée. Consultez Ryanair.com. Il y a une grande différence entre un véhicule pour son job et le nouveau Volkswagen Amarok qui fait le job. Pour aider les amis à déménager, il fait le job. Pour tracter un voilier de 22 mètres, il fait le job. Pour transporter des poutres ou des casiers de bière, il fait le job. Venez essayer le nouvel Amarok et son moteur V6 chez votre concessionnaire Volkswagen Utilitaire. Dans le monde de Bernard, tout tourne autour des chiffres.

C'était le nouveau Hardwell sur Fun Radio, la suite du son. C'est avec Zara Larsson. Écoutez-moi cette voix, quoi. Chaud, hein. Il y aura Hardwell aussi dans un instant. Live the night, c'est ce que je vous cale après l'horoscope. Je vois. C'est l'heure de l'horoscope sur Fun Radio. Et on va vous dire si vous êtes une femme. Mais ça, non, si votre femme est fidèle. Oh là. Monsieur s'est lâché. Oh bah écoute, je l'avais déjà fait pour les garçons. Je me suis dit, tiens, je vais le faire pour les femmes une fois. Est-ce que ta femme est fidèle, toi? La mienne, oui. Les yeux fermés. Tu t'es inspiré de la maison pour l'horoscope? Non, du tout. Non, du tout. Okay. Excuse-moi, je pose la question. Hein. Ouais, toi, Sandro, ta femme, elle est fidèle? Ah oui, elle est à la maison, elle fait à manger le matin. Oh là là, le cliché, quoi. Non. Allez, bisous, c'est parti. Amour, hein. Les béliers. Votre femme est aussi fidèle que n'importe quel chien. Dès qu'elle voit un morceau de saucisse, elle court. Les taureaux. Quand votre femme se fera enterrer, on pourra dire enfin jointe en parlant de ses jambes. Oh la violence, quoi. Tu te lâches aujourd'hui, hein. Les gémeaux. Votre femme, c'est un peu comme un témoin de Jéhovah. Elle sonne à toutes les portes, mais c'est pas pour distribuer la parole. If you know what I mean. Ça veut dire quoi? On j'ai parle pas anglais ici. Si, ah, pardon, si vous savez ce que je veux dire. Ah, ok. Ah, d'accord, okay. Les cancers. Oui, votre femme est fidèle, elle bouge pas. En même temps, par vous, personne n'a vraiment envie de la connaître de l'intérieur. Oh. Les lions. Je dis pas que votre femme vous trompe. Juste si les zizi avaient des ailes, sa bouche pourrait s'appeler Bruxelles Porte. Vierge. Vous êtes blond aux yeux bleus, votre femme aussi, et vos enfants ressemblent à Will Smith. Je vous laisse tirer vos conclusions vous-même. Tu sais que ça peut arriver, hein. Oui, bien non. sûr. Toi, tu prépares déjà ton alibi. Non, alors, c'est un cas de figure. Non. Je te jure que des fois, tu peux être, genre, par exemple, de peau blanche, et ouais. Ben, tu peux avoir un enfant noir. Oui, si qui tu dans tes ancêtres. Mais non, mais non c'est la... comme Angelina Jolie. Oh, mais c'est si bon, tu j'essaye fais même plus de vous expliquer ça. Allez, balance. Votre femme est un peu comme un centre commercial. On pourrait lui accrocher une pancarte entrée libre. Les scorpions. La fidélité à votre femme, c'est un concept un peu flou, comme les mots Corée du Nord et droits de l'homme. Oh, Sagittaire. Votre femme enchaîne les hommes comme les antibiotiques, trois fois par jour, matin, midi et soir. Capricorne. Votre femme n'est pas ce qu'il y a de plus fidèle. Hein. Hier soir, 9 de vos amis Facebook avaient fait un checking dans votre femme. Oh, ben, c'est dégueulasse. Verseau. Si votre femme était un pays, ce serait le Luxembourg. Toute la Belgique y passe au moins une fois par an avant de partir en vacances. Et on termine avec les poissons. Votre femme n'est pas infidèle, elle est faible. Sa petite culotte, c'est la défense du standard, elle laisse tout passer. Oh Big up aux liégeois qui écoutent l'émission. Oh, comment tu y as été là? Ouais, mais tu vas te voir des ennemis, Feu. On ouais, fait des coucou à Cindy qui est à l'écoute de l'émission, qui a kiffé ton canular de tout à l'heure, Fab. Merci, Cindy. La suite du son d'Explore maintenant, c'est avec Zara Larsson, comme promis, que ça se passe sur Radio Hardwell. Et juste après, c'est les potins et les popotins qui débarquent. On va tout savoir sur les people. Fab, le spécialiste du genre, eh ben, il va vous expliquer ça juste après ça. Bougez pas! Dans la radio. Ce matin, c'était ça. Il y a des trucs qu'on kiffait petit et en vieillissant, on se rend compte qu'en fait, on les kiffe plus. Elliot. Alors moi, il y a un autre truc. Petit, j'adorais rouler en poussette. Vraiment. Toi, déjà, même bébé, tu rentrais pas dans la poussette. Damien, il a 20 ans, il est à Bordeaux. Bonjour, Damien. Moi, j'étais allé à l'école. Bah, surtout, puis t'es content, t'as ta nouvelle trousse. Même moi, j'étais fier, j'ai eu une époque à l'école où j'ai eu un plumier. Oh, un plumier. Ah non, mais c'est vrai que toi, t'es allé à l'école dans les années 20. Ouais. Et c'était des trousses en bois. C'est Harry Potter, Bruno. Ouais, des cartables en parpaing, c'était pas. Bruno dans la radio. Reviens demain sur Fun Radio. Dans un monde qui change, les bons comptes font les bons couples. Et vous, vous êtes plutôt compte perso ou compte commun? Ah bah nous, on gère tout en commun. Ouais, ouais, enfin sauf la lessive, hein. Bon, compte perso, on a déjà assez de choses en commun. Ah, tu trouves? Ah, personnellement, je suis plutôt compte en commun. Ça t'arrange bien, hein? Ouais, c'est vrai. Maintenant, il y a une solution simple et flexible pour gérer votre argent à deux. Découvrez le Confort Pack. Seulement 2,60€ par mois pour 3 comptes et jusqu'à 2 titulaires. BNP Paribas Fortis. La banque d'un monde qui change. L'Happy Hour avec Audrey, 17h-20h sur Fun Radio. Oh my, oh my, oh my. Oh my, oh my, oh my. Oh my, oh my, oh my, oh my. It ain't my fault you keep turning me on. It ain't my fault you got me so gone. It ain't my fault I'm not leaving alone. It ain't I'm looking at a lock, what I'm seeing got me feeling kinda shocked right now. Couldn't stop right now, even if I wanna gotta get. tube Fun Radio. WNW, Hardwell et Lil Jon. Tous vos tubes préférés. Comment sur Fun Radio. Le son Dance Floor. C'est avec David Guetta que ça se passe sur Fun. Oh, je kiffe cette reprise. What I like to you, baby. Oh yeah, baby. On s'assoit confortablement. On se relaxe et on ne pense plus à rien. C'est l'heure des potins et popotins sur Fun Radio. Et ouais, on va tout savoir sur tout ce qui blablatin un peu partout dans le monde. Ce, buzz, que ce soit potin. Sur les people ou autre, on sait tout grâce à Fab. Oui. Eh bien écoute, aujourd'hui, j'ai découvert qu'un de nos plus grands rêves allait se réaliser. Ah, ah, magnifique, avoir une pluie de chocobons sur moi. Ouais, bah alors c'est pas celui-là, c'est un autre. Je peux dire que dans l'équipe, on est quand même les rois de la glande. Pas du tout. Rien foutre. Bah, dis pas ça, il y a le boss qui écoute. Non, rien foutre, c'est le but de notre vie. Tu vois, on est doué là-dedans. Moi, le week-end, je peux. En même temps, ça peut être cool, hein, ça peut être un objectif de life, hein, on fait ce qu'on veut. Eh ben, mais non, ça va devenir un championnat du monde. Alors, un truc que tu vas commencer à faire, c'est arrêter de dire maintenant, sinon je vais te frapper. C'est maintenant. C'est maintenant, d'accord ? Parce qu'il y a un T dans maintenant, ok ? D'accord. Pourquoi voilà. Tu dis maintenant alors toi aussi ? Mais parce que je t'en. Tu peux continuer. D'accord. À partir de maintenant. Ça va devenir un championnat du monde. Un championnat du monde. C'est déjà le cas depuis 5 ans au Monténégro. Ils ont le championnat du monde de la flemme. C'est-à-dire. Jure-le. Je te jure. Énorme. C'est-à-dire que le but est simple en fait. Il faut que tu ailles dans ton lit et tu dois rester allongé. Mais c'est quoi ? Et tu ne peux pas bouger. Même pas aller aux toilettes. Hein. Et manger ? Manger, tu peux. Tu peux boire. Dans ton lit. Tu peux avoir ton ordi, tu peux avoir ton téléphone. Mais est-ce que tu peux avoir un lit percé comme une chaise percée ? Genre pour pisser, amène le lit quoi. Non. Non, bah non, sinon c'est trop facile. Bah ouais, ça serait trop simple. Donc tu peux avoir ton PC pour regarder tous les films que tu veux. Ouais. Oh, c'est facile alors. C'est cool ça. Bah oui. Il faut aller aux toilettes. Ah, je sais pas, ouais. En même temps, c'est cool, mais. Tu te fais chier à un moment donné. Ouais, moi je suis un peu hyperactive en même temps. Hein. C'est-à-dire que c'est assez contradictoire dans mon cerveau. Parfois j'ai envie de faire des trucs, parfois pas, mais quand même, je sais pas combien de temps je pourrais rester dans mon lit, genre max sans bouger. Vous, vous seriez capable de rester dans votre lit, genre sans rien faire pendant combien de temps ? 30-44 pour vos petits messages. On peut être plusieurs dans le lit ou pas ? Non. Parce que tu vois, genre pendant 35 heures, il y a de quoi s'occuper. Ah ouais. Oui, mais à un moment donné, non, il va falloir tu décharges le. Merci Fab, ça ira. Non, mais le surplus non, de ça ira pour l'aspect technique. Donc, on est dans le lit un maximum de temps, en pouvant pas aller faire pipi, ni caca, ni quoi que ce soit. Le record du monde, c'est 37 heures. 37 heures ? Ouais, 37 heures sans rien faire. Et le premier prix, c'est quand même 200 euros, quoi. 200 euros pour rien foutre. C'est moi, tout ouais. Oh non, c'est pas cher payé, 200 boules. C'est pas énorme. Hein. Oh, oui, je sais que dans certains pays, certaines villes de Bruxelles, on a 800 euros par mois pour rien foutre. Ça s'appelle le chômage. C'est ça. C'est un concert, tu vois, un concept. Bah attends, on va demander à Frédéric qui vient de tourner, il va faire de la radio avec nous. Salut mon Fred, ça va ? Salut. Oh oui, bah c'est une fille bien. Oh je croyais que c'était un garçon. Oui, c'est une fille. Ah bah oui, c'est une fille. Ah bah voilà. On n'a pas vérifié encore hein. Ouais, c'est vrai ça. Ah non, mais bon. Frédéric, ça va ? Ça se passe la soirée ? Ça va. Ça va, ça ouais, va. T'as cool. bossé aujourd'hui ouais. Imhotep, ah ouais, la famille, ouais, Imhotep, ouais, vas-y, ouais. Imhotep. Bon, Frédéric, est-ce que tu serais capable, toi, de rien foutre, de rester dans ton lit et de faire que bouffer, manger, boire, regarder des films et rien d'autre? C'est clair. Ah. Ah. C'est la vie, ça. Frédéric, combien de temps t'es resté, genre un max sans rien foutre, quoi? Tu vois, genre vraiment t'as traîné au lit, mais sans bouger, sans te lever, rien du tout. Combien de temps maximum? T'as fait 45 ans, je fais ça. Sans se lever du tout, ça ne vais jamais être longtemps, mais sinon une bonne dizaine d'heures. Ouais. Ah ouais. Ah oui, quand même. Genre, tu sais, le dimanche par exemple. Ça, c'est cool le dimanche. Ah, oui. Ah tu bouges pas. Mais parfois, t'es loin du record du monde là. Ouais. Parfois, le dimanche, ouais, quand tu as envie de rien foutre, tu vois, tu restes en pyjama. Genre, tu dois pas t'apprêter. Ça, je parle aux auditrices qui écoutent. Pas se coiffer, pas se maquiller, rien. Pas se laver même parfois. Ouais. Mais pour toi, c'est dimanche tous les jours. Ouais. C'est ça. Ouais, tu t'emmerdes. Ça, c'est français. Ma Frédéric, merci beaucoup d'être passé là dans l'émission. Tu vas faire quoi ce soir? De rien. Je vais glander. Pardon ? Tu vas faire quoi ce soir ? Ah, je m'en vais faire de la danse country. Et là, tu dis que dans le bingo, ready to go, ready to go. Mais non, tu fais de la country. Mais c'est pour toi, oui, Frédéric. Allez, allez. Ready to come from, ready to go, ready to come from Canada. Allez Fred, danse, danse. Ready to come from Canada. J'adore ce son. Red on the beak, break my go. Non, les chante pas. Where did he come from? Where did he go? Oh, on était bien là. Mais enfin, Frédéric, c'est fou ça. Moi, je suis toujours fascinée par les gens qui font de la country. Mon voisin, il fait ça. Ah oui. Une fois, je te jure, je suis sortie sur mon palier et il y avait le gars avec un chapeau de cow-boy avec des Santiago. Il est comme ça. Ouais. Avec une ceinture et quand il marchait, c'est. Mais t'habites en face de chez Dimitri. Bah oui, mais j'ai mon compagnon qui est prof de danse, forcément. Pas faire autrement. Ouais. Ah, et Frédéric, est-ce qu'il lui arrive de faire du rodéo sur toi? Oh. Ah, ça peut arriver. Ça ouais. Il va chercher le lasso. Ouais, tu lui sers de monture, Frédéric. Oh là là, ça doit être sexy. Imaginez les filles, toutes celles qui sont à l'écoute de l'émission, votre mec qui débarque en cow-boy. Allez, viens. Viens, chérie, je vais te monter ici. Eh ben, Frédéric, merci. Tu auras fait notre soirée aujourd'hui. Je te fais des gros bisous. Oui. Oui, également. Bon cours, hein. Salut, salut. J'adore. Oui, merci. Ça m'éclate, quoi. La meuf, elle va faire du country le soir. Est-ce que quelqu'un d'autre a déjà fait du country ici? Non, moi, jamais, moi. Non, jamais. Bah, voilà. Bah, c'est une expérience de vie à faire. Qu'est-ce qu'on me dit les samedis et le dimanche quand je suis mal du vendredi? Moi, je reste au puits, je ne bouge pas. Vous avez raison, les copains. Glander, c'est la vie. D'ailleurs, on va glander encore un petit peu avec le son de David Guetta qui arrive. S'il y a un deuxième David Guetta juste après, ça veut dire que c'est le double fun. À vous de jouer. Concert par SMS au 6322. C'est ce qu'il faut envoyer pour aller voir David Guetta. Bonne chance. Parce que les bons comptes font les bons couples, nous avons créé le Confort Pack, la solution simple et flexible pour gérer votre argent à deux. BNP Paribas Fortis, la banque d'un monde qui change. Bonjour monsieur, bienvenue chez Volkswagen. Mais salut, dis comment tu vas? Bien, merci monsieur, et vous-même? Bah écoute, ça va pas mal, il paraît que tu fais la Polo à prix d'un mille à 9 890 €. Oui. Ah bah je me suis dit tiens, j'irais bien rendre visite à mon ami Thierry. C'est Jean-Pierre. Ah oui, Jean-Pierre. Et comment tu vas Jean-Pierre? Jusqu'au 27 octobre, conditions exclusives sur toute la gamme Volkswagen. Par exemple, une Polo à partir de 9 890 €. Prix d'ami. Prime de recyclage conditionnelle de 1 500 € déjà déduite. Rendez-vous chez votre concessionnaire Volkswagen. Chez Cora, un ours en plus de 1 mètre de haut à 14,95 €. Ça fait pas cher le gros câlin. Un choix comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora. Les phases de poule continuent en Ligue des Champions. Ce soir, Bruges est déjà confronté à un match capital. Face au Porto de Laurent de Poitre, la défaite est interdite. Bruges-Porto, un match sous haute tension, à vivre en direct ce soir dès 20h sur Club RTL. Fun, Fun Radio. Fun Radio. Fun, le son. Dance Floor.

gagnez vos places pour vous éclater avec David Guetta le 21 octobre au Etias Arena d'Asselt. Et peut-être gagner votre rencontre avec le DJ Fun Radio grâce à Fun Radio. Double Fun. Et ouais, David Guetta, il a choisi Fun Radio, les gars, pour son concert. L'unique radio qui a des places affiliées. Eh ben, c'est nous. Et ouais, il fallait envoyer concert. Vous avez entendu deux titres de David Guetta. Eh ben, c'est ce qu'elle a fait, Laurence, qui vient de Wands. Et ça rime en plus, ça. Hein. Oula, Laurence qui est en plein décollage. Ça va, Laurence? Ça va. Mais qu'est-ce que tu fous pour être avec un boucan pareil? Ah, je suis dans la voiture. Ah, bah c'est ça. Ça va, la route, ça se passe, il n'y a pas trop de bouchons? Ça va, il n'y a pas trop de bouchons. Pour une fois, Béziller, ça va un peu mieux que... Il n'y a personne qui habite à Wans, comment tu fais des bouchons? Ils sont quatre, elle et deux autres familles. Laurence, t'as envoyé concert par SMS au 6322. T'as repéré les deux titres de David Guetta. Tu sais ce que ça veut dire? Oui. Bah écoute, c'est pour toi. Double fin. Tu repars avec les places. Ouais. Bravo. Bravo Laurence, tes places pour aller voir David Guetta le 21 octobre, c'est déjà ce vendredi en fait. C'est hein. Ça, c'est ce vendredi. Mais dis donc, ça passe vite. Ce vendredi, tu seras à l'Etias Arena d'Asselt avec la personne de ton choix. Tu vas y aller avec qui, Laurence? Avec mon compagnon. Ah bah voilà, une petite soirée en amoureux avec David Guetta, c'est David Guetta, oui, c'est, oui, cool, c'est lui. Ça c'est lui. Ah bah parfait, Laurence, tu nous feras des petites photos, tu postes tout ça sur la page de l'émission, d'accord? Ok, super, merci beaucoup en tout cas. Merci. Bah de rien, Laurence, je fais des gros bisous, félicitations si vous aussi vous voulez repartir avec vos places pour David Guetta. Un petit conseil, restez bien branchés sur Fun Radio. Fun Radio. Fun. L'assurance au kilomètre de Corona Direct. Maintenant, 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. Avant de se faire le son de Calvin Harris, on s'informe avec Carlo Morello. Bonsoir Carlo. Salut Audrey, salut à tous. Leonardo DiCaprio, pas besoin de vous dire qui c'est, j'imagine, a lancé un appel vibrant hier soir à Paris, appel à se bouger très très vite contre le réchauffement climatique, vu que ça urge plus que jamais. Il s'exprimait en fait à l'occasion de la projection du documentaire Avant le déluge, dans lequel l'acteur guide le spectateur à travers le monde à la rencontre d'experts et de politiques, histoire d'exposer les enjeux du problème et les pistes vers des solutions. Ça fait penser à un autre documentaire qui a fait le buzz il y a une bonne dizaine d'années, à Une vérité qui dérange, signé Al Gore, l'ancien vice-président des États-Unis. Le problème, c'est que dans la foulée, on a continué à émettre de plus en plus de gaz à effet de serre. Mais bon, faut rester optimiste, hein, pas le choix, d'autant qu'en décembre dernier, on a quand même signé à Paris un accord pour réduire drastiquement ces émissions polluantes. Tout espoir n'est donc pas perdu. Près de 5% des condamnés en Belgique sont des récidivistes. Voilà ce que révèlent des chiffres communiqués par le ministre de la Justice. Alors, compte tenu du fait qu'on parle souvent des risques de récidive pour ceux qui sortent de tôle, près de 5%, ça n'a pas l'air énorme, mais c'est quand même quasi deux fois plus par rapport à 2010. Et ça représentait plus de 7000 détenus en 2014. Selon le procureur du roi de Namur, pour expliquer ça, nous avons des peines de prison trop rarement appliquées et souvent raccourcies. Vincent Mac, comme bien d'autres, plaide pour des alternatives intelligentes à l'incarcération. Et dans 3 semaines pile poil, Hillary Clinton sera élue présidente des États-Unis, ou alors c'est que les instituts de sondage sont vraiment nuls, hein. Mais bon, vu les casseroles que Donald Trump se trimballe, on voit vraiment pas comment il pourrait remporter le scrutin de 8 novembre. La dernière polémique sur de vieux propos sexistes, voire dégradants pour les femmes. Cette dernière polémique donc étant sans doute la goutte d'eau qui aura fait déborder la casserole. Et j'ose pas imaginer les horreurs lors du dernier débat télévisé qui l'opposera à Hillary dans quelques jours, hein, vu que comme il a plus rien à perdre, bah, il devrait complètement se lâcher. Ça a d'ailleurs déjà commencé, puisqu'il a accusé sa rivale de s'être dopée avant le deuxième débat à la télé. Réaction du porte-parole du gouvernement, c'est gonflé de dire ça, alors qu'on a passé son temps à renifler pendant les deux premiers débats. Sous-entendu, Trump aurait pris de la coke avant d'affronter sa rivale, ce que plusieurs internautes ont d'ailleurs suggéré sur les réseaux sociaux. Comme vous le constatez, elle vole vraiment très haut, hein, cette campagne électorale. Enfin, l'agence wallonne pour la sécurité routière et la Pro League de football viennent de donner le coup d'envoi de la Coupe de la sécurité routière. Il s'agit d'un concours en ligne auquel vous pouvez participer jusqu'à la fin novembre. D'abord, vous choisissez pour quel club vous voulez jouer. Ensuite, vous répondez à 20 questions à choix multiples concernant le code de la route. Et à partir de 14 sur 20, eh bien, vous êtes en lice pour emporter un cadeau, genre des tickets pour des matchs de l'équipe que vous avez choisi, ça va de soi, ou alors des maillots ou des gadgets. Et en même temps, vous rafraîchirez votre mémoire pour ce qui est du code de la route. Fun Radio. Sortez vos cahiers, dictez. Gagnez de l'énergie verte pour votre école sur luminus.be/concours. Luminus, ensemble, faisons la différence. Juste après le son de Calvin Harris sur Fun Radio, on va se faire un petit jeu, tiens, le tic-tac boom, qui veut venir jouer avec nous? Il y a du cadeau Fun Radio à la clé, vous envoyez jeu par SMS au 3044, on vous prend à l'antenne juste après la météo, Carlo. Demain les températures seront assez nettement en baisse, hein, pas plus de 10-11 degrés, et puis il n'y a pas que le mercure qui va chuter, il y a la pluie aussi, on annonce de grosses averses, on annonce également pas mal de vent. Bref, une journée du genre pourri sur les bords. Voilà, tous une excellente soirée, je vous retrouve demain matin à 5h30. Et vous laisse en compagnie d'Audrey et du son de Calvin Harris. Salut. Fun. Fun Radio. Jusqu'au 27 octobre chez Volkswagen, la Polo est à partir de 9 890 euros. Prix d'ami. Prime de recyclage conditionnelle de 1500 euros déjà déduite. La Vie Hour, 17h-20h sur Fun Radio. Why wait to say, at least I did it my way. La way to face. But in my heart, I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. Clash ici hein, dans le studio parce que mais c'est le défoncé, tic-tac boom. Ouais, ça y est, ils se font la guerre. Fab et Sandro, on va se faire ça. Bah, juste avant Rihanna et Drake qui arrivent. La fille qui fait un blocage. Il y aura aussi Avicii dans un instant. Wake me up. La 30 secondes pour trouver un max de mots. Si t'échoues, tu repartiras avec l'autocollant de la honte. C'est le tic-tac boom sur Fun Radio. Ouais, je vous rassure, j'ai rien pris pour toi. Hein, mais quelle revanche, il a jamais gagné une fois. Pour qu'il y ait une revanche, il faut qu'il gagne. Il a gagné, je pense, une fois au jeu du tic-tac boom. Ouais, c'était le jour où j'étais pas là. C'est ça. Si vous venez de nous rejoindre dans l'émission, peut-être que vous ne voyez pas ce que c'est le tic-tac boom. Le principe est simple, Fab et Sandro font équipe avec chacun un auditeur et ils doivent essayer de faire deviner un maximum de mots. Et c'est vrai qu'à ce petit jeu-là, Fab est plutôt fort. Je suis imbattable, tu Fab triche. Est le leader en termes de tic-tac boom, mais Sandro, je suis là. Tu peux s'inverser. Tu peux reprendre la main. Tu peux devenir le meilleur du tic-tac boom. Non, mais je suis là, je suis dans la compétition. Ça va aller, Sandro, mais t'inquiète pas. Tu vas pouvoir montrer ton talent. Loin, tu vois. Tu vas pouvoir montrer ton talent avec Gaëtan qui est là, qui vient de Marcinelle. Bonjour Gaëtan. Bonjour, salut l'équipe, ça va? Ça va Gaëtan, oh là ça là. Se passe la soirée? Ça va. Un peu malade, mais ça va. Ah, toi aussi, Gaëtan, merde. On va faire une équipe de microbes ici. Tu vas faire équipe avec Sandro, d'accord? Lui aussi, il a la crève. Ouais, ça va. Eh, bah parfait. Gaëtan et Sandro, vous faites équipe. Et puis du coup, Fab, toi, tu fais équipe avec Thomas qui vient de Charleroi. Bonjour Thomas. Salut Audrey. Ah, tout de suite, on sent la pêche hein, chez toi, Thomas. Toi, t'es en bonne santé, Thomas? Ouais, juste un bras cassé, mais sinon ça va. Ouais, okay. Mais c'est pas drôle, le pauvre, arrêtez de rigoler. C'est le tic-tac boom des éclopés aujourd'hui. Thomas, mais comment t'as fait ça? Comment tu t'es cassé le bras, toi? Bah, j'ai fait un faux mouvement au foot, on a heurté, c'est bon. Dis, le foot, ça se joue avec les pieds, hein, vieux? Pas avec les bras, hein? Bah, là où je suis, bah voilà, quoi. Ah là, c'est avec les mains, d'accord. Non, mais laisse tomber. Bon, Thomas, du coup, tu fais équipe avec Fab. Et je choisis de donner l'avantage aux gens malades, aux gens qui ont des microbes tout plein. Voilà. L'équipe de Sandro, qui fait donc équipe avec Gaëtan. Attention, Gaëtan, est-ce que tu es prêt? Oui. Va falloir deviner un maximum de mots, Gaëtan. 3, 2, 1, c'est parti. Bon, c'est pratique pour éclairer. Ça se met normalement dehors et on met une bougie à l'intérieur. Et il y a un dessin animé là-dessus, enfin un super-héros, hein? Il est vert. Hein? Non. Ça... les deux premiers mots, c'est lent. Lanterne. Non. Ouais, il a dit lanterne. Non, je n'accorde pas. Je dis, non, il y a tri-tri si. Ici. Non, donne-lui. C'est on lui donne plaisir, non, donne-lui. Mais de toute façon, c'est moi aussi. D'accord. Et alors... Je vous dévoile les coulisses. Alison m'a dit oui, je vais t'aider. Merci Alison, hein, tu ne sers strictement à rien. Et moi j'ai adoré le Green Lantern. Hein, le... De toute façon, c'est magnifique. On ne peut pas tricher à ce jeu. Ça fait donc 0 points. Ouais, bravo. Merci. On applaudit Sandro. Mais de toute façon, c'était le tour de chauffe là. Non, c'était la bonne. Bah du coup, ça fait 0 points pour Gaëtan. Bah bravo Gaëtan. Hein. On va voir. Peut-être que Thomas, du coup, il va faire 0 aussi. On fait pas trop les malins. Attention, Thomas, est-ce que tu es prêt? Je suis trop prêt. Mais en fait, toi, Thomas. Toi, je pense que c'est pas dur. Trop, hein. On va bien se calmer. Attention, 3 2 1. Thomas, c'est à toi de jouer. T'en as un, il bat et ça te permet de vivre. En quoi? T'en as un, il bat et ça te permet de vivre. Je sais pas. C'est une blague. Et Thomas. Mais arrête de l'aider, toi. Je comprends rien. Tu en as un en toi, il bat et ça te permet de vivre. Un cœur. Voilà, quand t'as mal au ventre, tu vas où? Bah aux toilettes. Voilà, dans une voiture pour diriger les roues, il y a un... Un volant. Voilà, c'est des chaussures plus hautes, les cow-boys en portaient, ce sont des... Bah des bottes. Bravo. Ouais. Enfin, alors ça je tiens à préciser, il y a de la tricherie là-dedans, pourquoi je me tape toujours ces lanternes? En premier, bah c'est la vie, c'est comme ça, bah du coup, c'est Thomas qui gagne avec Fab, bravo. Bravo. Ouais. Et on a fait 4 et on a démarré tard, hein. Je sais pas si t'as remarqué là au début un peu, il n'entendait pas. Tu peux avoir la victoire humble s'il te plaît, arrête de la péter. Mais je sais qu'il y a tricherie, allez vous faire foutre. Mais non, allez, arrête d'être de mauvaise humeur. Thomas, bravo, tu repars avec du cadeau Fun Radio, tu raccroches pas, on va prendre tes coordonnées. Et mon Gaëtan, tu as la grande chance de repartir avec l'autocollant de la honte, bravo. Bravo. Ouais. Toi, je peux pas avoir de place pour le prochain match de Sporting? Alors, est-ce qu'on a ça en stock? Ouais, on doit avoir ça, ouais, t'inquiète, on va te trouver ça. Ça va. Tu veux Sporting de Charleroi? Bah oui. Ouais, et allez, ça va. On va te trouver deux. Mais tais-toi, toi. Hein. On va te trouver deux places pour aller voir les zèbres. Ça va? Ok, merci. Gros bisous, mon Gaëtan. Lâche rien. Un jour, tu seras bon au tic-tac boom. Et toi aussi, Sandro. Hein. Non, mais quand s'il même, vous plaît, lanterne. Zéro fieux. T'es mauvais, quoi. C'est pas possible. Il y a tricherie, je le sais. Je sais, n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi mauvais à ce jeu. Non, mais je sais, il y a tricherie. Lanterne. Non. S'il vous plaît, lanterne. C'est hyper facile. Mais je suis sûr que même toi, tu sais pas ce que c'est une lanterne. C'est ça le problème. Mais c'est ça. Ouais. L'autre, il a volant, il a botte. Allez, c'est bon. Tu vas te plaindre tout seul. Là. Tu vas pouvoir te lâcher un peu pendant le son de Rihanna et Drake maintenant sur Fun Radio. If you're okay, my friends always feel the need to tell me things.

travel the world, but I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and I didn't know I was lost. So wake me up. Sur Fun Radio, si vous venez de vous brancher, il y aura du Sia dans un instant. Côté son Netflix, je vous ai calé aussi Henri PFR qui sera avec nous bientôt dans l'émission. Et ouais, j'ai appris ça hier. Le petit Henri. Henri PFR, celui qui cartonne aux platines, il sera avec nous bientôt dans la Power. Avant ça, on aura Soprano hein, vendredi, je vous le rappelle. Il sera avec nous en live. Il va faire un petit live tranquillou là avec des albums dédicacés. Vous allez pouvoir venir le voir en vrai. Bref, ça va être l'éclate. On aura aussi Tal mardi. Oh, ah, la petite Tal. Je mettrai du parfum là. Ouais, je dirais pas petite Tal. Hein. Elle est plutôt. Bah, elle est pas très grande. C'est quoi, même moi, ça m'impressionne de la recevoir tellement je la trouve trop belle. Elle est petite de Tal. Oh non. Oh, là, là. Salut, au revoir. Voilà, c'était ma dernière vanne sur Fun Radio. Bien, merci, au revoir. On va accueillir plutôt quelqu'un de drôle, Vaché. Hein, tu vois, okay. Vaché, tous les jours, le matin, dans Bruno dans la radio, entre 6h et 9h, il appelle des gens. Et bah, il les fait chier, en gros. Hein, c'est un peu ça. Qu'est-ce qu'il a fait ce matin? Mais ce matin, il a appelé n'importe qui pour faire un petit test de culture générale, un peu de grammaire, un peu de un culture. Peu de tout, quoi. Bon, voilà. Ça fait du bien de temps en temps. Oui, allô? Bonjour, monsieur Vaché. Je fais des tests de culture générale par téléphone. Oui. C'est vous qui avez été tiré au sort aujourd'hui. Vous voulez bien participer? Oui, mais il n'y a pas de problème. Grammaire, pour commencer. Dans la phrase, le ciel au-dessus de l'autoroute, quel est le verbe? Aucune idée. Oh. Autoroute. Exactement, pourquoi vous dites aucune idée? C'est quel verbe ça, autoroute? Le verbe? Autorouté. Autoroutine, par contre, c'est du troisième groupe. D'accord, autoroute. Mais c'est bien, vous commencez bien. Sport maintenant, savez-vous quel pilote de Formule 1 a remporté le dernier Grand Prix au Japon avec sa voiture personnelle, parce que sa F1 était en panne? Formule 1. De tête, Hamilton. Et de tête, c'est une bonne réponse, c'est Hamilton Lewis, de son prénom, qui a remporté le Grand Prix avec sa Kangoo, tout le monde s'en souvient. Oui, c'est sûr. Animaux maintenant. On sait que le chien aboie, que le cheval hennit, mais savez-vous quel cri pousse la moule? Ah, ben non, pas du tout. Eh ben je vous le dis, c'est un fruit de mer qui fait. Y'a caca, flou, flou, flou. D'accord. On va s'imaginer qu'on est sur la plage et vous allez me faire le cri de la moule. D'accord. Regardez les enfants, on passe un bon moment. Oh oui, papa, mais regarde, y'a des moules qui nous attaquent. Y'a caca, flou, flou, flou. Oh mon dieu, elles sont dangereuses. Y'a caca, flou, flou, flou. Mais elles fument trop de Marlboro par contre. Ok, donc c'est le seul gars qui arrive à faire parler moule aux auditeurs, quoi. Essaye de parler moule, Fabrin, pour voir. Y'a qu'à flou, flou, flou. Non, c'est Wakata flou, t'as rien compris, c'est pas possible. On se fait le son de Sia maintenant sur Fun Radio. Henri PFR est dans la suite de l'émission, ma soeur le dit-moi pas que c'est pas vrai. Il y aura le jeu du magicien aussi, venez jouer avec nous, magie par SMS au 3044, c'est ce qu'il faut envoyer, on vous attend. Cette semaine chez Domino's Pizza, semaine de folie. Toutes les pizzas régulières à emporter sont à 4 euros. Et avant 16h, elles sont même à 3 euros à emporter. Domino's Pizza, c'est tout moi. Fun Radio présente la nuit des publivores Poliakov de Jean-Marie Boursicot. La nuit la plus chiffrée de l'année. Sophie, qui a mélangé les bandes françaises et danoises pour les pubs de cette année. Mais comment on va faire? On a les jeux, on a les artistes, on a les cadeaux, on a les hôtesses, on a l'écran et les pubs en danois. Ça sent le dracard, moi je suis persuadé que c'est un coup de viking. Griff, ici.

I am the wisdom of the fallen, I'm the youth. Ay, I am the greatest, ay, this is the proof. Ay, I work hard, pray hard, pay dues. Ay, I transform with pressure, I'm hands on with effort. I failed twice before, my bounce back was special. Let downs will get you, if the critics will test you. But the strongest survive, another scar may bless you. New music. Découverte Fun Radio. Dans un instant, on va faire le jeu du magicien. Qui veut venir jouer avec nous? Il faut envoyer magie par SMS au 3044. On se fait ça après Henri PFR maintenant sur Fun. PFR sur Fun Radio, la suite du son dance floor, c'est avec Ken Jones que ça se passe, Don't Mind. Il y aura aussi Aaron Chupa, le truc où tu fais tout le temps des petits bons mais tu sais pas pourquoi tu fais ça. Et puis DJ Snake avec Justin Bieber, ça c'est pour la suite du son dance floor. Avant ça c'est le dis-moi pas que c'est pas vrai à dire. Allez c'est parti, une info de dingue les gars, j'ai appris un truc grâce à mon coach, alors je voulais le partager avec vous parce que moi que j'avais pas la réponse. mais c'est sérieux ça? Ça tu pouvais nous demander à nous. Pourquoi tant de méchanceté gratuite quoi? Non, de vérité. Ah d'accord, ok, on la joue. Bravo Sandro. High five. Je pensais qu'on était une famille et tout, mais non. Justement, et qui aime bien châtie bien. Mais moi je vous aime pas, voilà, révélation. Attention, j'ai une question pour vous aujourd'hui. Vous jouez aussi de l'autre côté de la radio, 3044 pour vos messages, si vous avez une idée de la réponse. On va parler marathon. Vous voyez le truc où les gens courent? Ouais. Je vous explique parce que je sais qu'on n'est pas une bande de vrais sportifs, donc quand même. Le marathon, il fait toujours 42,195 km. C'est énorme. déjà. Tu dis beaucoup trop. Imagine-toi, genre Charleroi Mons, quoi. Et tu cours. Et t'es content de le faire. C'est ça le pire. C'est que les gens qui font ça sont contents. Et ils sont vivants après. Oui. Alors que nous, si on faisait ça, on serait mort après 100 mètres, tu vois. Ce serait une galère. Non, mais blague à part. Un marathon, ça fait toujours 42,195 km. À votre avis, pourquoi? Quand tu cours 42 km. Ouais. Bah, moi, il me faut 195 mètres pour m'arrêter, en fait, pour respirer. Avec la vitesse, non? Pour freiner. Genre, monsieur. Tu vois, je cours un kilomètre, je m'arrête 10 minutes. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est pas ça la raison. Alison, l'intérêt de service. Moi, je pense que, tu vois, à l'époque, il y avait des ouvriers. Ouais, elle est chiante. Des ouvriers. Et ils voulaient faire la distance, tu vois. Et c'était 42 km. Mais ils avaient trop bu, ils avaient bu plein d'hydromel et tout. Du coup, ils ont rajouté d'hydromel. Cette fille n'est pas toute seule dans sa tête. De l'époque. Quand elle fait pas des hommages à l'automne, elle s'habille comme Robin des Bois et elle me fait une histoire sur des ouvriers avec de l'hydromel. Je ne veux plus jamais que tu parles dans cette émission. C'est le yaourt pour le bifi du C'est ça, quoi. À l'intérieur, c'est ça. Bon, Fab, à ton avis, pourquoi est-ce que ça fait toujours 42,195 km? Et pas 42 tout court. Voilà, il y a une raison. Moi, c'est comme chez le boucher, au fait. Il y en a un petit peu plus, ma petite dame, je vous le mets quand même. Non, c'est pas ça. Vous voulez la réponse? Bah oui, tant qu'à faire, on est venu pour ça, tu vois. Je vais vous apprendre un truc. Vas-y. Alors, ça fait 42,195 km parce que c'est la distance entre Athènes et la ville de Marathon. Ah, il y a une ville qui s'appelle Marathon. Il y a une ville qui s'appelle Marathon en Grèce. Et en fait, il y a un gars qui a été nommé qui devait aller donner le message à Athènes pour dire qu'à Marathon, la guerre était terminée. Et entre Marathon et Athènes, il y avait 42,195 km. Donc c'est historique, ça ne peut pas bouger, ça doit toujours être la même distance. Comment j'aurais pas voulu être ce gars-là? Tiens, viens un peu ici, toi. Va apporter un message. Mais c'est loin, chef. C'est pas tout près. Mais cours avec tes sandales. Et alors, attends, l'histoire, elle se termine pas là, c'est qu'il est mort. Sans blague. Ouais, mais du coup, on sait pas s'il a donné le message ou pas. À 194 mètres, en fait. Je vous jure que c'est une vraie histoire, en plus. Donc voilà, ça fait 42,195 km parce que c'est la distance entre Grèce et Marathon. Athènes, tu vois. Je vous ai appris un truc ou pas? Ah oui, bah oui. Voilà, c'est pour moi, c'est cadeau. On se fait Ken Jones maintenant, côté son et souffleur. Et puis juste après, il y a le jeu du magicien. Fais le magicien pour moi. Chichou est là. Il est prêt, il y a du cadeau aussi à la clé. Vous voulez venir jouer avec nous? Vous envoyez maintenant magie par SMS au 34. Then she says I bought it, and I said nah, bullet. No matter where I go, you know I love 'em all. She said hola, come on, stop. She said konnichiwa. She said bought them my French. I said bonjour, my da. Then she says I bought it, and I said nah, bullet. No matter where I go, you know I love 'em all. African American, for sure. I told her baby come and ride the rodeo. Every time I come around, man, I go for broke. She give me desktop till I overload. Now baby, you gon' go where you're supposed to go. Cause I ain't got time for you every day. She said she got a man, keep it on the low. I said he don't speak English, the fuck he gon' say? Hey, telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she says, I pass it. And I said, nah, boulet. No matter where I go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she says, I pass it. And I said, nah, boulet. No matter where I go. You know I love them all. She from Africa. But she fuck me like she Haitian. Ass black, but the miles looking Asian. I gave her the can in Kansas. I got it on tape, she on candid camera. Okay, see, I forgot we met at Oklahoma. I used to smoke Regina, she from Arizona. Then I met a girl in Cali, I never disown her. She got that high grade, her weed come with diplomas. I want her, but she keep telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she says, I pass it. And I said, nah, boulet. No matter where I go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. wah, wah. She said, pardon my French. I said, bonjour, ma da, da. Then she says, I pass it. And I said, na boule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, come on, stop. Stop. She said, konnichiwa. Wah. She said, pardon my French. I said, bonjour, ma da, da. Then she says, I pass it. And I said, na boule. No matter where I go, go. You know I love them all. Ah, c'est bon, ça. C'est parti pour les petits rebonds avec Aaron Choupa sur Fun Radio. Allez hop. Ça arrive juste après le magicien. Attention, mesdames et messieurs, faites place au beau, au grand, au plus pressé des magiciens. Je vous demande d'applaudir Chu d'Orange Pressé. Ouais, comme ça faisait longtemps, trop bien. Ça va, Mister bien Magicien. Tout le monde chiché. Ouais, c'est la classe. Vous êtes prêt à faire gagner du cadeau Fun Radio? Si, non, cette fois-ci, il ne va pas gagner. Non? Non, je vais aller très vite. Ah, ok, t'as carrément. Bah, là, du coup, c'est annoncé. Françoise qui est là, qui vient de Marche en Famène, elle va jouer avec nous. Bonjour Françoise. Oui, bonsoir. Oh, t'as l'air d'être une femme bien sage, toi. Oui? Ouais. Moi, t'es une méchante fille. Elle a une voix de coquine. Ça va, Françoise? Qu'est-ce que tu fais de beau? Ça va. Je faisais ma vaisselle. Ah ouais, voilà. La vaisselle, t'écoutes Fun Radio en même temps. Du coup, tu vas plus vite ou pas? Sur son dance floor. Ah oui, puis c'est en rythme, alors ça va plus vite. J'adore, chorégraphie avec la vaisselle, quoi, énorme. Toi, bon, ma Françoise. Les gants en plastique jaune. Non, le petit tablier. Ah, ah, ah, ne dis pas ça, Françoise, tu vas nous le chauffer, celui-ci. Petit tablier. Oh, fallait pas dire ça, Françoise. Non, fallait pas, regarde-le maintenant, il ne se tient plus. J'ai enlevé mon pantalon, vas-y, j'enlève ton tablier. Arrêtez. Françoise, tu vas jouer au jeu du magicien. Tu vas devoir essayer de deviner où est sa bille. À gauche, au milieu. T'as une belle transition. Ou à droite. Je parle d'une vraie bille. Arrêtez, bande de pervers. Françoise, est-ce que tu te sens prête? Oui. Ça va aller très vite. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Françoise, j'ai deux belles billes, mais celle-là, tu sais où elles sont placées. Je vais te donner avec l'autre. La troisième, qu'elle n'est pas à moi. C'est parti. Et on la met au milieu pour commencer, toujours dans le milieu. Tu es prête? Oui. C'est parti. Je fais un déplacement à gauche, 2, à droite, 1, à gauche, 1, à droite, 2, à gauche, 1, à droite, 1, à gauche, 1, à droite, 1, à droite, 1, à gauche. Et après, je m'arrête. Déjà? Dis-moi où est-ce qu'elle est la bille. Quelle feignasse. Que oui. J'ai été trop vite. Alors, Françoise, à gauche, au milieu ou à droite? Au milieu. Bah, fais un choix, c'est. Oui. Ouais. J'ai envie de te dire, j'ai gagné, bravo. Bravo, Françoise. Eh bah, quelle chance de cocu, dit. Oui. Bah, non, pas trop. J'adore, Françoise, de mais oui, non, enfin, non. Je suis pas trop d'accord, mon mari, quand même. Françoise, tu sais ce qu'il fait, ton mari, ce soir? Non, justement, il n'est pas là. Ah bah, voilà. Moi, je te dis, fais gaffe, Françoise, vérifie ce qu'il fait ton homme, d'accord? Tu nous diras. Hein. D'accord. Je te fais des gros bisous, ma Françoise. Tu raccroches pas, on va prendre tes coordonnées pour te filer ton cadeau, d'accord? Merci. Gros bisous, soirée. Françoise. La suite du son maintenant, c'est avec Aaron Choupa que ça se passe dans quelques minutes. Vous allez retrouver Dylan pour Fun Radio Connected, la seule émission qui est connectée de partout, sur Snapchat, sur Facebook, par SMS aussi. N'hésitez pas, allez-y, vous voulez faire une petite dédicace d'amour, un truc d'amitié, un besoin de job, bref, allez-y, 3044 pour vos messages. On va tous les lire, c'est promis. Il y aura le son de DJ Snake dans un instant avec Justin Bieber. Avant ça, voici Aaron Choupa sur Fun Radio. Bonne soirée tout le monde. He returned unhappy and was pretty damn ashamed. He tells his grandson Manolin about this one last move. Manolin thinks to himself, this is grandpa's groove. Dream. girlfriend's leg, caught the fish with his harpoon. The marlin thought to himself, this is grandpa's gruel. Avec DJ Snake et Justin Bieber, Let Me Love You qui arrive, il y aura aussi du Galantis. Tout ça c'est pour aller jusqu'à 20h, parce qu'à 20h c'est le roi de la radio, Dylan, pour Fun Radio Connected qui démarre. L'homme de la nuit. T'as vu, c'est bien ça, non, ouais. Comme je t'ai dit, tout le roi de la radio, tu vois carrément. Lancement. Maintenant tu vas teaser mon émission, vas-y. Alors, Fun Radio Connected c'est quoi? C'est une émission où on peut envoyer tous ces messages. En gros, si vous avez un truc à dire, eh ben, il n'y a que dans cette émission-là que c'est possible. Qu'on et nous, on les lit vraiment, c'est pas comme les autres radios qui font genre ouais, nous on est connectés. Non, rien à voir. Exactement. Nous c'est pour du vrai. Voilà, si vous en envoyez 10, j'en lis 10. Si vous en envoyez 0, bah finalement j'aurai rien à faire. Donc pendant 20h, enfin de 20h à 22h, il n'y aura rien du tout. Donc je vous conseille vraiment d'envoyer des messages, allez-y. Non, tu les demandes, c'est un appel à l'aide. Oui, voilà, c'est un appel à l'aide. Donne-moi un message, s'il vous plaît. Envoie. 1€ message, 1€. Oh. Si pas cher, allez, c'est parti. Il y a un prix spécial ce soir. Ouais, non, mais c'est 50 centimes le message sur le 3044. Ou alors c'est gratos pour ceux qui sont un petit peu radins. Il y a la page Facebook qui s'appelle Fun Radio Connected. Bah voilà, gratuit, vous envoyez votre petit message. Gratuit, arrête, t'es grave. Il y aura du cadeau ce soir chez toi? Oui, et bah de nouveau le double fun. Moi je vous le dis, il va cool. D'office tomber avant la fin de l'émission. Pour aller voir David Guetta. Ouais. Ah, ça sera le 21, c'est ce vendredi. Ouais, c'est ce vendredi. Voilà, c'est ça. Donc restez bien connectés à partir de 20h, vous allez pouvoir choper vos places pour aller voir David Guetta. C'est pas rien quand même, hein, ça fait plaisir. On va se faire le son maintenant de DJ Snake et Justin Bieber pour aller jusqu'à 20h. On vous dit à demain, les copains. À demain. À 17h. Ciao. Bisous. Ciao. Fun Radio et Smart Toys présentent pour la première fois en Belgique la MCM Comic Con Belgique. La plus grande convention européenne débarque enfin en Belgique. Les 5 et 6 novembre au Bruxelles Expo avec au programme des invités prestigieux, du cosplay et plein de surprises. Rendez-vous ce 5 et ce 6 novembre au Bruxelles Expo ou sur mcmcomiccon.com. Avec Touring, plus rien ne vous arrête. Prenez maintenant un an d'assistance dépannage Touring et recevez 2 mois gratuits. Infos et conditions sur touring.be. Chez Cora, les Hatchimals Malls sont à 69,95€. Adoptez-les vite parce qu'ils vont bientôt éclore. Un choix comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora. Le journal L'Avenir réinvente sa version mobile. Profitez d'un tout nouveau design et d'un confort de lecture adapté à votre tablette et smartphone. Offrez-vous toute l'actu qui vous concerne, ainsi que le dernier smartphone Huawei P9 Lite à un prix exceptionnel. Offre limitée. Rendez-vous vite sur l'avenir.net/smartphone. L'avenir. L'avenir est au contenu. This is Fun Radio. Fun Radio. Only station. Le son dance floor. Dance floor. So hard to think about what we could have been, where love could have taken us. Blame it on the wind and cry, cry, cry. You know why. I'm drowning in an ocean of salt water.